La nocturne. La nocturne. Tous les vendredis soirs à minuit sur Skyrock. Et H24 sur l'appli Skyrock Radio. La nocturne. Et c'est parti, coup d'envoi de la nocturne 100% rap français, la nocturne de Planète Rap. Comme chaque vendredi soir, juste après la radio libre de Diffoul. Et ce soir, événement dans la nocturne 100% rap français. Ça faisait un petit moment que tu n'étais pas passé par ce studio. Mais c'est toujours un plaisir de t'avoir. Monsieur Didi B est dans la maison. Comment ça va? C'est comment? Et toi? On est là. Tu viens d'arriver d'Abidjan, non? Ou t'étais où avant, juste avant de venir ici en France? Non, j'étais ici, je suis allé à Abidjan et je suis revenu encore. D'accord. Beaucoup de, d'aller-retour, quoi. C'est à la maison. Ouais. Hein, on est tranquille. Ouais, on est non, mais en même temps, j'aime bien avoir ton avis et puis j'aime bien avoir l'avis des gens qui viennent parfois un peu de loin dans la nocturne. Mmh. Quand tu arrives en France, qu'est-ce que tu ressens d'ailleurs dans notre pays en ce moment? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu sens dans ce pays quand t'arrives? Bon, déjà, il fait froid. Hein, oui, c'est vrai que par exemple, Abidjan, c'est combien en ce moment? On tourne. Non, je sais pas, 27 degrés, un truc comme ça. Ah, ok. Il fait bien chaud, tu vois. Bien chaud. Mais je sens qu'il y a un peu beaucoup de colère dans la ville quand même. Ah, oui, t'arrives à sentir ça quand même. Ouais. Sauf quand on est en boîte ou bien en club. Sinon, dehors, ça râle. Bon, là, est-ce que tu vas faire plaisir aux gens là? Que va-t-il se passer ce soir dans la nocturne? Alors, il y a des invités qu'on va présenter. Mmh. Mais il y a aussi un projet qui arrive pile poil dans une semaine. Ouais. C'est une mixtape. Ouais. C'est pas encore l'album? Non, c'est pas l'album. C'est pas l'album. On commence avec ça. Après, on sort Juventus 2. Et après, il y a Mojo Throne 3. Très bien. Donc, ouais. Ça, c'est dans l'ordre. Mais donc, la semaine prochaine, Juventus qui arrive. Ouais, Juventus. Juventus 2. Nueva Era. Magnifique. Donc, ce sera la semaine prochaine. Ce soir, on va déjà commencer à fêter ça. Tu n'es pas venu seul, hein. Bien sûr. Il y a une sacrée belle équipe. J'ai des invités de marque. Tu veux les présenter maintenant? Faisons un petit tour de table maintenant. Allons-y, hein. On va commencer par le D. Ouais. Le D, il est venu me trouver à Abidjan. On a fait le clip de son banger qui arrive pour la Cannes. Et en même temps, on a profité avec Boleman, qui est là aussi. Mon frère. on a profité en chill chez moi à la maison. On a fait un autre son, tu vois. Et tellement le son il était bon, je l'ai mis direct dans le projet. Alors les gars, par contre, comment on parle de la CAN? Qui va gagner la CAN? Le Congo. Congo, ils ont déjà gagné quoi même. Ah, tu commences. Des demi-finales ou bien un truc comme ça. De toute façon, ils vont s'attacher. Et il y a Harley. Voilà, Harley, mon gars sûr. Il m'avait déjà invité sur son projet. Yes. Et on a décidé de recollaborer encore. Ouais, parce que ça s'est bien passé, tu vois. Eh bah, bienvenue Harley. Et vous l'avez entendu, une voix féminine magnifique. Voilà, ça c'est la go. La go sûre. Qui m'embrouille même. Ah, t'embrouilles même? Mais moi aussi, elle m'embrouille. Elle est malade. Elle embrouille tout le monde. Elle m'a embrouillé à signer. Elle est venue me trouver à signer. Elle m'a dit, toi, je te parle pas, je parle à ta femme directement. J'ai dit, attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, et donc, franchement, ça s'est bien passé à signer. On a bien chillé. Elle est bonne vibe, Davinor. Et puis, on a décidé de bosser ensemble aussi. La magnifique Davinor. La duchesse de Chantilly. Avec un cigare à la bouche. C'est élégant, non? C'est très élégant, ça te va très bien. Avec les gants en plus, tu es... Bon, je sais déjà, tu es magnifique, mais là, je t'ai rarement vu avec autant de classe aussi. Tu me dragues, là? Peut-être. Ah. Je suis célibataire, hein. Ah bon? Oui, oui. Mais la dernière fois que t'es venu, t'étais pas célibataire. Allez, ça. Ah. Là, il y a que des beaux gars autour de la table. Hein. Ouais. Et là, il y a TRK aussi. Ouais. Je suis avec TRK. Pépite. Pépite du rap ivoirien africain. Et là, il y a mes gars sûrs, il y a moi. Au fur et à mesure, de toute façon. Voilà, tu vois, un peu, on va arriver. Didi B, semaine prochaine, sortie du projet à pas louper. Là, on va remettre des morceaux, évidemment, qui sont déjà sortis. Plus, tu es venu avec des exclus. Mm-hmm. Et notamment une, on dit un mot dessus ou on dit pas un mot tout de suite? Non, ça, c'est une grosse surprise. On va garder ça à la fin de l'émission. On dit rien sur la grosse surprise. Non, on peut pas avancer. On peut pas en dire plus, franchement. Bon, bah, écoutons des morceaux tout de suite. En tout cas, c'est une grosse surprise. C'est pour tout le monde. C'est pour le bien de tout le monde. C'est pour. Didi B dans la maison. Ouais. Pour le bien de tout le monde. Écoutons ça. Faut la money pour avoir la pisse. Quand on en a, on veut toujours plus. Pas là pour faire le mal, et on veut la gloire et devenir puissant. Je connais le nom de ma banquière, elle s'appelle Neuer, elle s'appelle Inès. Ton compte à crédit dans les bars ne sera jamais mieux qu'un compte en Suisse. Slice. Avoir de l'ego c'est bien mais pas pour chase des millions. Ma chérie t'es bonne, t'es mignonne, mais on veut le 100 million. Hey, mais que faire des notes? Je m'interroge comme Anand Kofi Kofi. Pendant que tu cherches des trophies, faut faire le pied, faut faire du profit. Et on rêvait de tout, avant d'adormir, pas de fort focus. C'est pour ça qu'on est resté focus, on a fait la magie, hocus pocus. En terminale, on m'a pas demandé de choisir ma filière. Abidjan pas high school musical, nous quand on grouillons mais sans prière. Hey, avoir de l'écho c'est bien mais pas pour chase des millions. Ma chérie t'es bonne, t'es mignonne, mais on veut les 100 million. Hey, mais que faire des notes? Je m'interroge comme Anand Kofi Kofi. Pendant que tu cherches des trophies, faut faire le pire, faut faire du profit. Hey, et j'ai fait un rêve, j'étais dans le confort de Bill Gates. Hey, et après sur la plage, écoutez tout night de Chabarix. Hey, on est toujours dans bon, bien que dans le mal, que Dieu nous aide, Dieu nous aide à prendre les meilleures décisions pour que tous les jours soient holiday season. Je la consolais devant bouteille de chardonnay. Non faut pas t'en faire, ici chez nous quand on parle on fait. Il faut battre le fer et pendant qu'il est rouge il faudra te taire. Quand tu t'interroges et pour la revanche faut attendre patiemment qu'on te donne le go. Hey, on nous ferme la porte, une génération incomprise. De la rage et la force qu'on puise. Un jeune africain mental et la prison. Hey, et comme Mike Tyson, on enchaîne la vie comme coup de sac. On te parle de ça, on est full mélanine, black on black. Hey, sky's the limit, je veux tous les derniers fers. Ne me jetez pas la première pierre, prenez-moi comme un petit frère. Hey, je veux faire une bonne vie, émerveiller ma fille comme Jackie Chan. Lui dire que la vie est chère, mais que son père est devenu un chien. Hey, avoir de l'ego c'est bien, mais pas pour chase des millions. Ma chérie t'es bonne, t'es mignonne, mais on veut les 100 million. Hey, mais que faire des notes? Je m'interroge comme Anand Kofi Kofi. Pendant que tu cherches des trophies, faut faire le Jeff, faut faire du profit. Hey, et j'ai fait un rêve, j'étais dans le confort de Bill Gates. Hey, et après sur la plage, écoutez tout night de Chabarix. Hey, on est toujours dans bon, bien que dans le mal, que Dieu nous aide, Dieu nous aide à prendre les meilleures décisions pour que tous les jours soient holiday season. Dans le confort de Bill Gates. Didier B dans la maison ce soir, yeah. La nocturne 100% rap français. La nocturne avec un petit détour du côté d'Abidjan. Ah c'est bien, ça fait du bien. Oleman, je t'ai pas entendu, c'est bizarre d'habitude, je t'entends toujours dire un petit mot. Un petit truc. Je suis devenu calme moi, ça y est. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Ça va? Ouais, ça va. T'es content d'être là avec nous quand même? Bien sûr. Hein? Bien sûr. De retrouver Davinor, t'as vu, regarde. Sa préférée. Ouais. Ma préférée. Tu te rappelles? Qu'est-ce qui se passe? Ma préférée. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a un truc entre vous deux. Y a un... Non, on a un feat, il est pas mal. Ah, voilà. Ah. Voilà, voilà, c'est ça qu'il fallait savoir. On avait passé un bon moment. C'était un bon moment. Ouais. Le clip, il était bien. Bon, et toi, Davinor, ça va? T'es content? Didi B, bien sympa? Très sympa. C'est vrai? Je l'aime bien, moi. Bah, on l'adore, Didi B. Là, j'aime pas trop de gens, hein. Mais lui, je l'aime bien. C'est clairement. Ah. T'es content de les voir aussi, Didi? T'as ouais, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que tu faisais ces derniers temps, d'ailleurs, Didi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, t'as beaucoup bossé? Beaucoup de studios? Ouais, beaucoup de studios. Beaucoup de remaniements aussi. Nouveau label, nouvelle équipe. Franchement, nouvelle coupe de cheveux. C'est vrai, ça te va très bien aussi. Donc, le rouquin. On est dans une nouvelle DA. Voilà, tu vois. On est en mode César et Narcos. Ce qui est assez fou aussi, c'est vrai que maintenant, attends, on parle évidemment de carrière pour toi. Il y a eu l'aventure avec Kif Nobit aussi qui était incroyable. Moi, je me souviens d'une nocturne ici un vendredi soir qui était mythique avec Kif Nobit quand même. Non, mais en fait, avec Kif Nobit, on a fait le tour. Hein, quand on est arrivé ici, on a essayé de prouver un peu partout avant de faire les premières dates. Tout ça, les petits showcases. Ouais. Ouais, c'était une belle aventure aussi. Bah, c'est ça qui est assez fou, c'est parce que à l'époque, on parlait pas non plus de toutes ces, voilà, tous ces échanges, toutes ces sonorités, justement afro aussi, qu'il pouvait y avoir et tout. Et vous étiez déjà là aussi avec Kif Nobit, vous étiez là, vous essayez de conquérir le terrain. Il y avait cette fougue aussi de jeunesse. Voilà, moi, bien sûr. Ça courait dans tous les sens ici dans le studio. Non, arrête. Bah, Non, mais c'est sûr. On était tranquille quand même. Qu'est-ce que tu gardes de tout ça, de tous ces moments, toi, Didi? De tout ton parcours d'ailleurs même. Franchement, je vois une belle époque et puis ça m'a permis d'avoir de l'expérience. Hein. Je me rappelle que c'était pas forcément facile d'être dans des émissions comme Skyrock, tout ça. Franchement, on a fait du chemin. C'est comme ça que je vois la chose. Et aujourd'hui, t'es heureux? Est-ce que t'es heureux justement? Est-ce que tu es arrivé là où tu voulais arriver? Ou pas encore, ou pas encore. Non, pas encore. Sinon, j'allais pas être ici. Non, bien sûr qu'on est. On est tu sais, il n'y a pas que l'argent qui peut satisfaire quelqu'un. Tu vois, tu peux avoir tout ton salaire comme tu veux, mais tu cherches toujours le ballon d'or. Donc, on est dedans. Bon, t'en as déjà eu quelques-uns quand même. Ouais, mais il faut quand même encore un peu plus. C'est la nocturne. Didi B avec nous. Et on écoute des morceaux. Tout à l'heure, on vous passera des titres inédits, puisque dans une semaine sortira le projet. C'est le 14 novembre, la sortie du projet. Est-ce que quelqu'un a écouté autour de la table? On attend d'écouter. Hein. Ouais. On attend. T'as fait écouter à personne autour de la table, Didi? Ah ouais, tu t'es fait écouter, ouais. Tu t'es fait écouter Multiverse, je crois. Mais je joue pas ça ici. Non, je joue pas Multiverse ici. Non, on va jouer. Qu'est-ce qu'on va jouer? On va jouer comme morceau tout à l'heure. Kibibi, non, on va jouer. Ah, tu veux qu'on commence direct comme ça? Pas tout de suite. Ah, parce qu'il faut qu'on soit chaud là pour le moment un peu. Tu vois, pas tout de suite. Il faut qu'on soit chaud avant de jouer le Kibibi, sinon ça va me faire mal au cœur. Ah, Kibibi, tranquille. Attends, on va mettre un peu de champagne dans le truc. Après, j'ai soif même. Ah, c'est le cigare, c'est le cigare. Je parle pas. Allez, écoutons du morceau. Tout va bien. C'est la nocturne, 100% rap français, Didi. Qui comprend pas ça? Qui comprend pas ça? Les derniers mes souffles. Pario. Qu'ils comprennent pas, c'est le dernier de mes soucis. J'ai tellement la vision en vrai. Hey, si elle arrive pas à me regarder dans les yeux, c'est que je la prends le vrai. Hey, on fait affaire, on te jette. Comme ça t'as pas le temps de jouer aux traites. Hey, sois pas trop gentil en vrai, sinon ces maudits vont toujours te prendre pour bête. Hey, doucement, on avance doucement. État d'esprit mazo, tant qu'on n'a pas le succès, nous on recommence. Et si t'as le malheur, croiser notre chemin, mon négro faut fuir. Des comme nous y'a pire, on se bat plus pour nous. Ils étaient pas prêts pour nous, ça là, seulement on se rappelle. On n'est pas dans Dagachi, parler trop, ça là on sait pas faire. La vie c'est la guerre, on a commencé, c'est pas prévu qu'on perd. Tant que la famille est dans, bon, le reste c'est pas mes affaires. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va. Ok, je prends la valise. Un peu de vacances à Bali. Dès qu'on est fumé le Cali. Alors c'est comment la famille? La famille. C'est quand c'est dur que seuls les durs s'en sortent. Des machines, même si les piles sont mortes. Baby, c'est pas les fables. Là, on prend bouteille cassée pour faire barbelé. J'en place une pour le continent. Bientôt Tesla dans le conteneur. Bébé, non, faut pas te fâcher. C'est la dernière que j'achète. Joue les nerveux, on te baise avec supplément free. Au début, ça rigole, après, ça part en vrille. Un coup, elle a vu le tonge, un coup, elle n'a plus de critères. L'argent achète le sourire des hypocrites. Ils étaient pas prêts pour nous. Ça là, seulement on se rappelle. On n'est pas dans Dagachi. Parler trop, ça là, on sait pas faire. La vie, c'est la guerre, on a commencé. C'est pas prévu qu'on perd. Tant que la famille est dans, bon, le reste, c'est pas mes affaires. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va, tout va, tout va. Jusqu'ici, tout va bien. Ok, je prends la valise. Un peu de vacances à Bali. Dès qu'on est fumé le Cali. Alors c'est comment la famille? La famille. Didi B au contrôle, avec le projet qui sort dans une semaine. Donne-moi le. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a, Didi? Il y a un petit truc? Non, c'est des lunettes. Il faut changer de lunettes. On voit trop dans les yeux. On voit trop de choses. Je suis trop yeux clés. Regarde, tu vois par exemple Davinor, hop, lunettes, on voit rien, on ne sait pas ce qu'elle pense. On sait ouais. Pas Moi, si tu veux savoir ce que je pense. Ouais. Je suis distingué. Ouais. Très distingué. La Nocturne 100% rap français. Parlons un petit peu aussi de ce territoire magnifique, de ce continent qu'est l'Afrique. Mmh. Et évidemment, la façon dont la musique se développe et a explosé hein, sur ces dernières années. Mmh. Toi, comment tu juges ce qui a pu se passer sur ces dernières années? Et même sur ton parcours, d'ailleurs, si on fait un point sur ton parcours. Où on est aussi aujourd'hui le continent africain autour de la musique? On a beaucoup parlé, évidemment, de la Côte d'Ivoire avec... Ouais. Qui est un des pôles, j'ai envie de dire, majeur maintenant pour le rap et pour la musique urbaine. Mmh. Il y a le Nigeria aussi dans un autre bien environnement. Bien sûr, bien sûr. Toi, comment tu juges, comment tu vis ça au quotidien? Ouais, mais moi, je pense qu'on sent l'évolution. Hein. Même quand, tu sais, avant, on ne parlait pas en mode concert, hein, les artistes africains, on ne parlait pas beaucoup en mode concert en Europe. Mmh. Tu vois, maintenant, ça se passe. Ça parle du stade même en Europe, tout ça. Ça veut dire qu'on a évolué. Bien sûr, les Naija, ils ont fait un gros taf. Mais je pense que le côté francophone en a fait aussi un gros boulot. Mais parce que oui, même parce là-bas, que... ils arrivent à entendre parler de nous et dans le monde entier. Donc ça va. Quoi. Et si ça nous rejoint à ce qu'on disait auparavant sur Kiff No Beat. Vous avez fait un super boulot d'ouverture aussi, mais même pour plein de groupes, pour plein d'artistes. Ouais, ouais. On s'est battu pour ça. Hein. Tu sais, c'était pas facile à l'époque d'Arafat, surtout. C'est vrai. Ça... Pensez pour Arafat, battu, bien évidemment. Ouais, pensez pour lui. C'est sûr qu'il allait se mettre bien avec. Tout ce qui se passe actuellement, TikTok, tout ça, lui, il allait être en mode même à chaque moment, hein, tu vois. Parce que lui, il faisait que des vidéos drôles souvent, tu vois. Très viral. Ouais, mais c'est bon, c'est ça, c'est la vie. Est-ce que quelqu'un, justement, a une aura un peu comme ça aussi, un peu comme Arafat, en tant que DJ, en tant que compositeur actuellement en Afrique? Est-ce que tu pourrais nous donner un nom? En fait, tu sais, peut-être à chaque fois que... C'est comme si on a perdu quelqu'un, et à chaque fois qu'un artiste perce... On veut tout de suite remplacer, essayer de trouver quelqu'un qui on dit, oui, c'est comment nouveau, ouais. Donc c'est chez nous on appelle ça goumin. C'est comme un gros goumin qu'on a, on cherche quelqu'un, tu vois. Mais je te cache pas que quand il a disparu, tout le monde a essayé de faire comme lui, tu vois. Mais c'est impossible, c'est mieux de laisser tomber. C'est impossible, il n'y a que cela, Arafat quoi. C'est une question que je pourrais aussi poser. Alors là, dans l'autre sens, que ce soit pour Davina, pour Harley, pour Boleman qui sont là aussi avec nous. Vous, justement, l'Afrique, quelle source d'inspiration pour vous? Est-ce que, voilà, pareil, vous êtes tout le temps, voilà, vous regardez ce qui se passe, vous écoutez ce qui se passe? Bien sûr. C'est important. Bah, trop important quand même. C'est vrai. Moi, par exemple, je reviens de Côte d'Ivoire, là, il y a un mois. J'étais à Abidjan en séminaire. Et j'ai fait beaucoup de connexions justement avec plein d'artistes ivoiriens, mais pas qu'aussi. Tu vois. Après, je travaille beaucoup à distance avec des artistes congolais et ça se passe. J'aime bien ce qui se passe en Afrique en ce moment, tu vois. Harley, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, c'est important. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Hein. Ah, gars. C'est là-bas, il y a tout. L'inspiration, tout, c'est grave important. Boleman? L'Afrique, c'est trop bien. Il a tout résumé. C'est rapide. On est déjà rapide, bien là-bas. Rapide, court, efficace. Il y a trop de trucs à dire. T'as capté, il y a trop de trucs à dire, donc voilà quoi. Didi B, le programme dans un instant. Dans un instant, on va commencer à attaquer les inédits. Notamment un morceau qui s'appelle Embré. Ouais. Hein? Ah, déjà. Hein? Elle a déjà écouté. Tu te rappelles du morceau qu'on a écouté à Sini là? Ah. Et pas souka. Let's go. Donc ça sort dans une semaine. Ouais, tout 14 novembre. Ouais. Sur la mixtape. Ouais. Juventus. Juventus. Ouais. Mais on l'écoutera dans un instant. Juste avant, on va quand même mettre un morceau qui s'appelle 100. Ah. Didi B au contrôle de la nocturne. C'est avec Zino. Been tripped up, they don't even know what it feels like. I want to tear my clothes, most of them don't know what I look like. They don't press in for my shoe, but they don't feel good leg for my shoe size. They want to do what I do, but they should not have did more than two times. No, you can't tell me nothing, as long as it's there, my body. Chilling with my jeans, we ain't got no worry. I'm on a yacht, it be like money. Pop out looking fresh and clean. Money can't fit my jeans. Yeah, they know me, my life on the city. Yeah, they want to do what I do. Depuis le départ, on se faisait confiance. Yeah. Et même quand y'a pas Dieu, on fait les pas de danse. Toujours dans le bon. On a duré dans le travail, tu dis c'est la chance. On a tapé dedans, mais le succès vient en latence. Hey, on n'oublie jamais le sang. On a tout fait pour le sang. C'est la famille, c'est le sang. On laisse pas tomber le sang. Hey, on n'oublie jamais le sang. On a tout fait pour le sang. C'est la famille, c'est le sang. On laisse pas tomber le sang. Fini de faire les gangs, mais le cœur est trop triste. Trop noir. Ma maman m'a mis à l'école, mais j'ai fini artiste. C'est dans le sang. J'ai commencé des compétitions, j'avais de la rage. Et quand tu gagnes pas tous les jours, ça peut te faire rage. Ouais, ouais, Peli maudit, hein. Ils nous ont trahis, c'est Peli maudit, hein. Ils ont cru qu'on avait laissé tomber, hein. On est revenu, c'est j'ai infini, hein. On prie God et maman, allô. Ton fils est fort, il fait jamais boire l'eau. Demande jamais pardon, mon talent parle face à tous ces malots. On n'oublie jamais le sang. On a tout fait pour le sang. C'est la famille, c'est le sang. On laisse pas tomber le sang. On n'oublie jamais le sang. On a tout fait pour le sang. C'est la famille, c'est le sang. On laisse pas tomber le sang. Zino, Gen Z. I'm on the active black money. Papa looking fresh and clean. Money can't fit my jeans. Yeah, they know me, but like what I'm seeing. Yeah, what you do, I do. On n'oublie jamais le sang. On a tout fait pour le sang. C'est la famille, c'est le sang. On laisse pas tomber le sang. On n'oublie jamais le sang. On a tout fait pour le sang. C'est la famille, c'est le sang. On laisse pas tomber le sang. Ils nous ont trahis, c'est périmodien. Ils ont cru qu'on avait laissé tomber. On est revenu, c'est j'ai infini. Ça fait j'ai infini. Do what you do, I do. Do what you do, I do. Ah ouais. Ah ouais, merci, merci. Merci. J'ai la vision. Vrai. Tu as quelle vision, David? Je vais faire un diaporama, je vais mettre sur TikTok, je vais mettre tous mes oncles, mes cousins, mes cousines, mes nièces, mes neveux. Même ceux qui sont au village. On n'oublie jamais le sang. Très belle idée. Et puis je poste sur WhatsApp. Ça, c'est un message que tu veux passer. On écoutera le morceau d'ailleurs dans un instant avec Davinor et tous les invités autour de la table. Yeah, ça arrive. J'ai hâte. Mais là, on va quand même aller sur un titre inédit puisque la semaine prochaine sortira Juventus. J'ai un problème. C'est quoi le problème? J'ai l'impression que quand je commence à chanter, on n'entend pas bien ici. Donc du coup, je pense que je préfère qu'on entende bien ici. Tu préfères qu'on entende dans le studio? Ouais. Parce que les gens vont découvrir le morceau. Ouais, j'ai envie de manger. Ouais. J'ai pas envie forcément de. Tu vois, oui, oui, mais très de bien. De performer, très bien, tu vois. Très bien, très bien. J'ai envie de manger. D'ailleurs, tu vas performer prochainement ou pas? Il y a des dates de prévues? Qu'est-ce qui se passe, Didi? C'est en France, hein, je parle. Parce que je suppose que toi, tu tournes un peu partout dans le monde, mais. Dis bah, je sais pas si j'ai le droit. Je sais pas si j'ai le droit, mais en tout cas, il y a un Zénith qui arrive avec. Ah bah voilà. Avec la billetterie, tout. Il y a un Zénith. Ouais. Ah non, il y a un zénith, il y a un zénith. 19 avril. 19 avril, ouais. 19 avril, zénith. Et c'est, tu vois, c'est mon anniversaire en même temps, donc ça sera la fête en même temps, tu vois, du baillot. Tu nous invites tous? Ouais, je t'invite. Ah, bah, te sens pas obligé, hein. Non, bien sûr. Je passerai par la porte de derrière. Bon, 19 avril, zénith de Paris. Ouais, zénith de Paris. Mais là, 19. On va balancer donc un morceau qui s'appelle Embry. Ok. Alors, moi, tu sais, j'aime les histoires. Raconte-moi l'histoire de ce morceau. Tu es où quand tu l'enregistres? Il est quelle heure à peu près? Tu bosses avec qui sur ce morceau? Moi, je veux toute l'histoire de ce morceau. Déjà, à part le. Non, à part rien, j'ai enregistré tout le projet dans mon salon. Chez toi? Ouais. Boleman, il connaît ouais. Comment on a enregistré, en tout cas. Non, c'est méchant. Devant la télé, avec bonne ambiance. Dans mon salon, donc t'es dans le micro salon. En main et tout. Est-ce que t'as un souvenir quand tu le fais, celui-ci, par exemple? Donc celui-ci, j'appelle Daffé, j'ai une nouvelle idée de prod, un nouveau style d'afro que j'aime bien. Donc je l'appelle, j'essaie de... Parce que moi, j'interviens beaucoup dans les instrus aussi, ouais. Tu vois. Et pas uniquement mal à choisir des prods. Pas uniquement top line, pas uniquement top line, tu fais aussi les instrus. Ouais, tout, tout. Donc, on a commencé à bosser sur la prod et puis j'ai kiffé l'ambiance de la prod. Donc, j'ai essayé de faire un refrain dansant et tout. Mais tout en restant gang dessus, quoi. Donc, tu vas voir un peu. Et on est quoi, plutôt le matin? Toi, t'enregistres quand? Matin, soir? Non, la nuit, la nuit. Minuit, 6h. Minuit, 6h. Minuit, 6h. Voilà, minuit jusqu'à 6h. Garba, dodo. Il faut imaginer. Vin blanc. Il faut imaginer. Ouais. Il est entre minuit et 6h, dans ton salon. Ok. À un moment, tu t'approches du micro. Et il va y avoir ça. Ok, mets-moi ça. Bienvenue. J'aime bien. Ah, ici. On est dans. Moi j'ai fait un teaser. Si dans le futur les enfants veulent me coller, essaye de voler. C'est Bayo qui les met tous en colère. Le femme s'est chargé pour arroser voleur. Ma petite en colère, elle dit bébé, je suis là, faut décoller. Le poignet est chargé donc j'ai pas le temps. Viens te rentrer dans si t'es partant. De 5 à Babilla, ta langue gratos. On a sorti les bolides à minuit fini. Dehors il fait la timide. Dans la chambre la cardio d'Akimi. Kimi, ouais. C'est midi qu'il y avait l'heure de garçon. Si tu joues les choses ou on fait ta sauce. Avec un peu d'articles, ouais. Tu parles trop, je comprends pas ta science. Y'a que l'argent qui me fait perdre patience. La petite veut me voir sur le côté en bris. Je veux nous y a pas pour. Mais faut pas que ça parte en vrille. On met tous les ogres sur le côté ambre. Maudit sur le côté ambre. C'est nous les méchants, y'a pas pour changer. On est dangereux. Petite veut me voir. Mais je suis pas là. Est-ce qu'on va changer? On est dangereux. Petite veut me voir. Mais je suis pas là. Dans ses calots, on te boit ce soir faro. Elle veut pas qu'on se farote. Elle est méchante comme ça marate. La dana joue les malades. Nous on a ça, on fait pas malin. Mauvais garçon dans la ville hein. On avait bolide sans le permis hein. Totem, tu veux qu'on coopère. Mais tu te compares, t'as mangé ton totem. Ta famille c'est le sang. T'as touché un mogol, le bon il va t'enterrer. Dedans depuis longtemps comme ton père. Entouré de négros qu'on croit pas comme Popeye. J'ai mis dans le vroom ce soir, faut que je chauffe le moral. La petite veut me voir sur le côté en bril. Je veux nous y aller à pas pris. Mais faut pas que ça parte en vrille. On met tous les accords sur le côté en bril. Maudit sur le côté en bril. C'est nous les méchants, est-ce qu'on va changer? On est dangereux. Petite veut me voir. Mais je suis pas là. Est-ce qu'on va changer? On est dangereux. Petite veut me voir, je suis pas là. Non, celui-là. Exclu total. Non, celui-là, j'ai presque envie de dire. Tokomela, Tokomela, ça veut dire on va boire. Ah bah, à la tienne. Est-ce qu'on va changer, Tokomela? On est dangereux, Tokomela. La petite veut me voir, Tokomela. Mais je suis pas là. Tokomela. Qu'est-ce que j'aimerais dans ce salon et en faire Tokomela. J'aimerais un Tokomela aussi. J'aimerais bien faire Tokomela aussi dans le salon. En même temps, si vous avez les images, il y a le salon qui est un peu reconstitué là. Regarde sur la table de Planète Rap. Hein. C'est ambiance, ah ouais. Ambiance. Bah, regarde le dîner de gala. Alors, il y a, il y a des bifetons, beaucoup de bifetons. Hein, sur beaucoup d'euros hein, sur la table. Ah ouais, je vais au poker. Pourquoi pas. Tu joues au poker toi, Didi? Non. Ah, merde. Jamais essayé. Davino? Ah si, j'ai essayé. Moi poker? Moi, je suis une godanguin. Ah, mais essayez, casino, mais... casino. Ah, moi, je suis une godanguin. Casino de Paris sur les champs, rue Marbeuf. Ah oui, donc toi, tu connais, oui. Tu connais tout bluff, ça. Bluff, la veuve noire. La veuve noire. J'aimerais bien tiens, qu'on fasse venir autour de la table, si tu veux bien, Didi. J'aimerais bien qu'on fasse venir Luzio autour de la table. Est-ce que Luzio peut... Luzio, il est là? Je connais lui. C'est comment? Est-ce qu'on peut filer... Tu veux être discret comme ça? Est-ce qu'on peut filer un casque à Luzio? Ok. Est-ce que quelqu'un peut prêter un casque à Luzio en attendant? Voilà, qu'on présente Luzio. Parce qu'on va écouter un morceau avec lui, un morceau qui s'appelle Samedi. Ok. Avec Luzio. Luzio, prends bien le micro. Prends le micro. Voilà. Comment ça va, Luzio? Tranquille, toi? En pleine forme. Ça va. Petite présentation, petit CV express, ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te suivre, ce qui arrive? Moi c'est Luzio, artiste en développement. Ouais. Retrouve-moi sur Snap, Luzio, YouTube, Luzio. Partout c'est Luzio. Didi, tu veux nous dire un mot sur Luzio et pourquoi il est avec toi sur le morceau samedi? Luzio, franchement belle connexion aussi. Il m'a invité sur le remix de son son. Mannequin. Non, à fatiguer d'abord. Et puis après on est parti sur un délire de mannequin et tout. Donc franchement c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Au final, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. On va écouter. Il y a les Sénégalais aussi dans le coin là. Et Sénégal. Luzio, pour toi, qu'est-ce qui va se passer sur les prochaines semaines, des sorties, des choses à annoncer? Je vais balancer 2-3. Un nouveau son qui va sortir là, après Mannequin. Mais j'ai sorti un EP. Ouais. Et là, je vais sortir que des singles par single. Et là, je vais envoyer 2-3 bientôt. Et le feat avec Didi B. Didi B et le projet aussi qui va sortir, ne loupez pas le projet, le 14 novembre de Didi B. Il y a encore, on va vous passer encore deux autres exclus. Il y en a une et enfin il y a une surprise aussi. Ok. On dira, si tu veux pas dire un truc, non? Mais on peut rien dire. Faudra juste l'écouter. C'est mieux à la fin. C'est quoi la surprise? Non, c'est une belle surprise. C'est une belle surprise. Ah ouais? Je te jure. Tu vas adorer. En attendant, j'aime bien. J'aime bien. Show. Petite veut pas donner le lait. Quand j'en ai ça, elle veut remettre. Elle est l'élève, je suis le maître. J'ai repéré son grade des kilomètres. Moi j'écoute pas ce qui se passe sur le net. Net, t'es pas honnête. J'suis pas d'humeur à faire la fête. Au taf à 200 km. Hey, elle veut me voir les mercredis. J'suis pas là, j'suis disposé samedi. Elle veut me voir les mercredis. J'suis pas là, j'suis disposé samedi. On veut pas ordinaire. Ma chérie vient me voir au télé. Moi je sais pas dans quoi tu te mets. Dans l'enveloppe j'ai laissé sa commission. Elle n'a plus de conditions. Ma petite toile était dos des chameaux. Faut changer de position. C'est que ça reste doudou, kéké, doudou, kéké, kéké. Elle aime quand le moteur fait pépé, pépé, pépé, pépé, pépé. Elle me dit quand t'es pas là c'est embêtant. Évidemment j'en détends. Elle veut me voir les mercredis, j'suis pas là, j'suis disposé samedi. Elle veut me voir les mercredis, j'suis pas là, j'suis disposé samedi. Ah pourquoi tu es comme ça? Ah pourquoi tu es comme ça? Ah pourquoi tu es comme ça? Et il a une belle voix, Luzio. Luzio, allez suivre Luzio. Merci. Luzio, rappelle tes réseaux, où est-ce qu'on te suit? Luzio, Snap, Instagram, partout c'est Luzio. L-O-U-Z-I-O. L-O-U-Z-I-O, allez suivre Luzio. Ce soir c'est Didi Beck après le contrôle de la nocturne. 100% rap français. C'est la Majavel, c'est la Kézaï. C'est fou parce que même quand t'écoutes les sonorités, il y a tellement de choses. Toi tu peux poser sur tout, j'ai l'impression, sur toutes sortes de prods. Hein. Ah, c'est ça mon problème aussi. Électro, tu peux y aller. Ouais, bien ça. T'y vas? Ouais, un peu. On peut tu y aller. Tu l'invites? Tu l'invites? J'invite tout le monde. Mais attends, il y a Boleman aussi, il est chaud aussi. Le Bolé. Merci beaucoup. Il est chaud, Boleman. Attends. On écoutera son morceau tout à l'heure, Boleman. C'est la nocturne avec Didi B. Il y aura encore des exclus dans quelques minutes. Ne bougez pas, tu as une jolie liasse en main. Bravo. Ça va juste. Je mise ça sur le Boleman, on a joué au poker. La surprise. On a joué au poker. T'étais chaud, hein. On a joué au poker. Tu nous as tués, frère. Ah ouais, Didi, tu sais que j'ai fait une partie avec Boleman de poker. Ah ouais. Il nous a tués, frère. Ah, il est reparti rapidement. Hein. Ouais, c'est addictif, hein, ça là. C'est ça. Ouais. Joue avec. Vous n'avez pas peur de ça. Joue avec lui, genre. Ah, il est chaud. Il est chaud. Ouais, il est chaud, il est chaud. Mais c'est toi qui avais gagné, non? Non, j'étais arrivé en deux, j'étais deg. Ah ouais. Tu vas voir par un gars qui est arrivé comme ça par surprise, tel un renard des surfaces. Ouais, laisse tomber, il nous a tué, lui. Ah, il nous a terminé, lui. Mais c'est bon, écoute, Boleman, en tout cas, était très, très sérieux sur le poker. Ouais, toujours. Mais t'as pas rejoué? Non, j'ai pas rejoué. Non, toi, t'as préféré enregistrer, bosser un peu. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Comme Didi, pareil, toi, t'as pas le temps pour le jeu, Didi? Non, si, j'ai le temps. Ah. Jeu vidéo. Ouais. Voilà, Call of. Toujours. Didi B est avec nous dans une semaine, sortie du projet à pas louper, Juventus, que tu as enregistré totalement dans le salon. Ouais, totalement. À la maison. Ouais. Tranquille. En chill. Tranquille. Chill même. On va écouter un autre morceau. Est-ce qu'on peut appeler au micro maintenant, s'il vous plaît? Mais je crois qu'il est déjà là, TRK. Ouh. Ouais. Le Golden Boy. TRK. Alors, petit Didi, dis-nous un mot sur TRK. Ah, Derga, franchement, pépite du rap ivoirien. Et il est même déjà connu à l'extérieur. Je vois que il commence à faire des shows. Il est passé, t'es passé même à Canal, je crois. La semaine dernière. Ouais, ouais. Et on a fait une mixtape qui s'appelle Baby Tape. Mm-hmm. Avec tous les talents du rap ivoirien. Pas tous, mais genre. Une bonne partie. Une bonne partie. On a fait près de 2 ou 3 titres dedans. Mm-hmm. Franchement, il est chaud. Tu vas voir toi-même. Comment ça va? Ça va, et toi? En pleine forme? Ça va, ça va, ça va. Bienvenue, petite présentation. Donc toi, tu viens de Côte d'Ivoire aussi? Ouais, c'est ça, Abidjan. Abidjan. TRK. Ouais. TRK. Donc pour te suivre, qu'est-ce qu'on tape? TRK. TRK. Si tu veux, tu mets un point à la fin. TRK là, point. Tu vas trouver un peu plus de choses. On trouve directement. Il y a des sorties annoncées, des choses qui arrivent. Bon, je viens de sortir 3 sons dans le projet Baby Tape de Divi Pros. Ce qui est bien. Ouais. Mais mon projet il est fini. Donc d'ici fin 2025, il sera dehors. Donc fin 2025. Ah oui, donc c'est bientôt. C'est demain, après-demain, quoi. Enfin, ouais. Ça va vite arriver. Ouais. Bon, bah on ira sur. Un concert au palais aussi. Ah bah vas-y. Tu sais qu'on nous écoute, et d'ailleurs j'en profite pour saluer tout le continent africain qui nous écoute beaucoup via l'application Skyrock, via aussi un peu le skyrock.fm sur lequel vous pouvez cliquer et écouter l'émission, voir les lives, même les vidéos qu'on voit un peu partout grâce aux réseaux sociaux. Donc je sais qu'on est énormément écouté, reçu en Afrique, et j'en profite pour passer une grosse dédicace. Oui, un Modern Africa aussi. Ouais, ah tu joues à Modern Africa, il joue un gros festival aussi. N'hésite pas, 27 et 28 décembre, Abidjan, Modern Africa. 27-28 décembre. C'est ça. Parfait. Et ben on ira te voir pour les gens qui ont la chance d'être du côté d'Abidjan les 27 et 28 décembre. Et là, on va t'écouter maintenant. Vélar. TRK, Didi. À Paris, elle veut se marier. Mais j'ai beaucoup de tétards dans le Paris. C'est famille, ouh, on est dans le bank, dans le trou. Ouh, on a déjà calé la boule. Ballon anniversaire ce soir. Les mogos vont devenir fous. Je me dois d'attaquer. Je peux pas la rater. Quand je check dans le miroir du fer, je vois des bâtards rater. Ma petite, doucement. Tu te balances, mais doucement. T'as le body compte 169, c'est prêt. Mais tu veux que je te pousse, j'suis non? Je suis dans le Vélar, baby, j'peux pas m'stopper. Elle veut j't'en body dans la table, j'mets toi d'attaquer. Je suis dans le Vélar, baby, j'peux pas m'stopper. Elle veut j't'en body dans la table, j'mets toi d'attaquer. J'peux pas hésiter, non, j'peux pas hésiter. J'peux pas hésiter, non, j'peux pas résister. Je suis dans le Vélar, baby, j'peux pas m'stopper. sur le disque, on va tout payer. Elle connaît déjà la chanson du champagne à foison. Zombie Paris a tout payé. Tu veux quoi de plus? Jamal lock, mon tel, mon code. Tu veux quoi de plus? Si t'as un gosse, un fils de p***, j'suis dans le villa. Baby, j'peux pas m'stopper. Elle bouge son body dans la top, j'mets toi d'attaquer. J'suis dans le villa. Baby, j'peux pas m'stopper. Elle bouge son body dans la top, j'mets toi d'attaquer. J'peux pas hésiter. Non, non, j'peux pas hésiter. J'peux pas hésiter. Non, non, j'peux pas résister. J'suis dans le villa. Baby, j'peux pas m'stopper. Elle bouge son body dans la top, j'mets toi d'attaquer. Le TRK, très chaud, TRK, le Golden Boy. Méchant. Allez suivre TRK un peu partout sur les réseaux TRK avec un dans point Baby Tip. Ouais, ça c'est dans Baby Tip de DB Prod. Ah Boleman, t'es intéressé? Non, il est bien. Ah, le son, les chaud. Ah, les chaud, ouais. T'as entendu le refrain? J'ai entendu, mortel. Ah non, non, chaud, très chaud. Allez suivre TRK. C'est la nocturne, Didi B au contrôle la semaine prochaine, sortie de Juventus. La mixtape dans quelques minutes. Je vous passerai un autre. On va le mettre maintenant. On va le mettre maintenant, l'inédit. Après, il y aura encore une autre surprise qui arrivera en fin d'émission, mais faut être patient un petit peu, restez bien. Grosse surprise. Le morceau s'appelle. Kibibi. C'est un son pour mon anniversaire. Oui, c'est un son. un son festif. C'est festif en tout cas. Kibibi. Ouais, Kibibi les gars, alors, c'est pareil. D'énergie sur. Kibibi, Kibibi inédit, c'est ça, ça sort la semaine prochaine. Tu vois, il faut que. Quoi? Il sort la semaine prochaine? Bien sûr, il est dans le projet aussi. Il est dans le projet. Mm-hmm. Comme l'autre, l'histoire, donc toujours dans ton salon, il est entre guillemets. Kibibi, pareil, j'appelle Daffé. J'ai envie de faire un son trap, mais j'ai envie aussi de pouvoir danser dessus, comme Kiff No Beat, ce n'est pas bon, tu vois. Voilà, ce n'est pas bon. J'ai envie de faire un truc comme j'ai fait avec Kiff No Beat, et voilà, je sors Kibibi. Donc pareil, entre minuit et 6h. C'est ça. On est posé à la maison. Posé dans le canapé, micro en main, il n'y a pas de cabine. Il n'y a rien. Y a rien. La table à manger derrière, poulet sur la table. La clim. Voilà. Et d'un coup, voilà, let's go. Let's go. Le money bag vient de l'usine. Le bibi elle vient de l'usine. Le Viano chargé à bloc. Que des mises pas de première dauphine. Populaire comme la Chine. Bazar off, luxe la vigne. Elle veut bodega, elle veut pas. Elle veut bodega, elle veut pas chine. T'as pas le pété, tu veux te tchou. Fini les matchs, on veut les gens du. Le bangal en match avec son gloss. Perdu la poussière, le mouton est moulant. Le mouton est roulant, le mouton. Allez, prends ça en débouqué. Si ma loqueto. Hey Yamato. Faut sortir dans le dos. Allez, prends ça en débouqué. Si ma loqueto. Hey Yamato. Faut sortir dans le dos. J'ai zéro sur mon salaire. J'ai flot de Garcimore. Azul, odeur de Garcimore. Mes bacs noirs, bras, BUF. Y'a plus Baka, y'a plus Gare du Nord. Matin, midi, soir dans gros moutou. On veut des jumelles comme Mobutu. Clap, clap, ha, ha. Ma poca déjà, gros foutou. Élégant comme le Roro. Elle a lu l'heure sur la Roro. Elle est prête à faire une folie. Elle veut monter sur ma colline. Allez, prends ça en débouqué. C'est ma loqueto. Hey Yamato. Faut sortir dans le dos. Allez, prends ça en débouqué. C'est ma loqueto. Hey Yamato. Faut sortir dans le dos. Allez, prends ça en débouqué. C'est ma loqueto. Hey Yamato. Faut sortir dans le dos. Allez, prends ça en débouqué. C'est ma loqueto. Hey Yamato. Faut sortir dans le dos, habille. Kibibi à l'instant. Le Kibibi. Kibibi, gros titre, ça sort la semaine prochaine. Ouais, ça sort le 14. 14 novembre, à pas louper la sortie de la mixtape Juventus. Juventus. Est-ce qu'on peut donner un casque à Madame Davinor, s'il vous plaît? Elle est en train de grailler. Elle est en train de... Elle est en train de grailler. Ça tombe mal. Et pourtant, c'est l'heure. C'est grave. Davinor, mais c'est grave, ce comportement. Davinor, comment ça va? De mafieux. Comment ça va? Moi, ça va toujours bien. J'étais prise par surprise. Non, même pas. Même pas. Je suis prête pour ça, moi. Je suis née pour ça, moi. Davinor. C'est moi. Tu es là dans cette nocturne avec Didi B. Oh. Et maintenant, nous allons passer un morceau. Ok. Un morceau avec Didi B. Mais juste avant, je voulais quand même savoir ce que tu faisais en ce moment. Alors j'ai cru comprendre, tu étais en séminaire il n'y a pas longtemps en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que là, c'est sur un nouveau projet. Caraba partie 2, suite logique. J'étais ici aussi au Planet Rap l'année dernière. C'est vrai. Et là, je suis en train de finaliser Caraba partie 2. Hein. Tout simplement, ça va être méchant. Ça va être dur. Je mets les dents, je shark. Je suis toujours aussi précise et incisive. Ça saigne. Ouvrage interne. Est-ce que tu es heureuse en ce moment? Moi? Oui. Tu vois pas comment je suis fraîche là en ce moment? Oui, je vois, mais comme tu vis une rupture de ce que j'ai compris. Une rupture, moi je dis pas dans le goumin, hein. Je dis pas dans le mauvais rêve, hein. Mais je sais pas, j'ai cru comprendre que tu t'étais séparée. Je me suis séparée, mais frère, t'as pas vu la queue qu'il y a derrière moi là? Ah oui, elle va loin. Elle va très loin. Elle va très très loin. Oh la vache. C'est pour quand le projet Caraba? C'est ça, mon soupeux, d'ici le mois de janvier, normalement. Et voilà. Et en attendant, on peut déjà quand même toujours aller écouter Caraba. C'est ça, Caraba partie 1. Il y a l'intro avec Youssoupha. Il y a du bon monde en tout cas. Et là, franchement, je suis hyper contente parce que dans le prochain projet, il y a vraiment des rappeurs. Ah ouais. Qui? Didi déjà. Très bien. Et Pasuka, Toleka. D'autres personnes? Syndicat. Kizzy. Je veux pas trop en dire. C'est le Kizzy Baby. Je veux pas trop en dire aussi. Okay? Dis-moi à moi. Non. C'est bon, c'est pas facile. Il dit dis-moi à moi comme si c'est. Mais mets son. Dis-le à moi. Ouais. À l'oreille. Il dit dis-le à moi. Non, mais c'est pas à toi. À l'oreille. C'est à toute une chaîne. À l'oreille, mon cœur. Tu me le diras à l'oreille? Vas-y. J'ai hâte que tu me le dises. Il essaie d'être doux. Je suis doux. Eh, monte le son dans mon casque, s'il te plaît. Monte-le. Ah oui, si on n'entend pas, non? T'as vu, moi je préfère l'ambiance, hein. Parce que ça doit être l'autre. Ah, moi je préfère l'ambiance. Attends, pause. Je préfère l'ambiance. Ils vont faire un coup de Trafalgar, Luzio, là. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont inverser les casques, je crois. Ah, bah voilà, c'est pour ça. Non, c'est peut-être comme tu mangeais, là. Voilà. Est-ce que tu veux mettre celui-ci? Est-ce que tu t'entends mieux avec celui-ci? Bah oui, là, c'est largement. C'est mieux le son ici, non? Là, les retours, non, j'ai mis les retours, là, que j'avais réglé. La vie n'a pas pour moi, tout est frais, tout est vrai. Tu vois? Les gens n'aiment pas les gens, même l'argent des gens. C'est mieux ici, le son. Seul le travail paye. Silence, ici, on travaille. Wow. Je veux entasser le jet, m'en fous de faire bonne impression. Pas de diplôme, mais c'est eux à la fin du mois qu'on a pression. De la cuisine à la chambre, John Joe est toujours sexy. Quand je les titille un peu, tous mes petits hors sexy. Si t'es fan de moi, pourquoi tu nies, J'aime, tu donnes des R, des V à assainir, Je sais ce que tu penses de moi, je peux te faire rire. Y'a pas mieux que moi, je peux t'humilier. Comme un hangar, on veut les lots. Euro, on veut les dos. On est toujours dans le chill, oublie que l'alcool c'est pas de l'eau. Maman en gagne, on veut le jet. Ici, ben, qu'elle est offert. Je dois manger la vie, beaucoup de wari, beaucoup de frais. Le j'y sauce, vie dans sauce, vie dans l'oca, on va dans l'oca. Le j'y sauce, vie du l'oca, vie dans l'oca, mon amboca. Let's go. Elle veut la rayer, bander des cris. Elle veut veut que je la pèse. Elle a mis une piercing de son nombril. Chez les oreilles, je t'en prie. Elle veut qu'elle en brille. Petite veut de mes loups. Je veux que c'est son dos. Je veux la pi. Je veux la Simbaloketo. Simbaloketo, shake le kit. Nous chica bobo, beer king bag. Vos se lever dans le kit. Tourner vide à l'ogreto. J'ai venu dans mes affaires. Mais t'as plus si dans un Uber. Wow. Cosa nana. Cosa et cosa nana. Père. Tu es méchant. Tu es méchant. On sent bien ce pas ici. Mais c'est vrai, il veut de la performance aussi. Ben oui. Une petite performance à l'instant. Davinor est avec nous ce soir dans la maison. Didi B est là. Le projet sortira le 14 la semaine prochaine. Didi B sur Skyrock, le Planète Rap. La nocturne de Planète Rap. Et Davinor donc qui reviendra en 2026 avec un nouveau projet. Tout ça, à fait. Ça on a hâte. Merci. Nice. Qu'est-ce qu'on... Oh, j'ai envie de le balancer maintenant le truc. Mais... Quoi non, comment ça? On va attendre un peu. On va arrêter. Hey, mais attends. On va encore attendre un peu. Il faut qu'on décide déjà. On le met ici, on s'en jaille ou bien... Allons-y. Je vois que non, pour la grosse surprise là. Ah, c'est pas tout de suite la surprise. On va ouais, mais comment on va décider de le jouer? C'est ça qu'il faut. Ah, voir. Il faut s'ambiancer. C'est mieux. Ah, il faut s'ambiancer. Ah, d'accord. Je vois que tu sors un drapeau de la Côte d'Ivoire, évidemment. Bien sûr. J'agis dans votre vie comme un parfum de. Je vois que le drapeau. De bonne odeur. Toi, t'as joué les timides ici? Avec la CAN qui approche aussi, on a parlé foot rapidement. Ça va bien se passer pour la Côte d'Ivoire ou pas, à ton avis? Ah, ouais, franchement. Attends, à la caméra, c'est comment? À la caméra, ça sort comment? En tout cas, c'est côté Côte d'Ivoire. Forcé, nous, on crée quelque chose à la CAN. Hein. Voilà. Forcé, on crée quelque chose à la CAN. Non, je te demandais la CAN. La CAN, ça va bien se passer pour la Côte d'Ivoire ou pas? Ouais, c'est... Ah, il n'y a pas un Nouchi, donc tu n'as pas pu. C'est ça, il dit forcé, on crée quelque chose à la CAN. C'est-à-dire, ouais. On va forcément faire mal là-bas. Et le Congo aussi, parce que tu as entendu. Ils sont qualifiés? Bien sûr. Ah, tu te. Non, toi aussi. Mais non. Tu. Qu'est-ce que tu veux faire comme ça? Toi. Qui? Nous. Eux. Aigle. Harley est au micro. Harley, comment ça va? Là et toi, Fred. On va mettre hey, un morceau. Harley, pétard. On va mettre un morceau avec Harley. Un pétard. Voilà. Harley, d'abord toi aussi, petit CV express, ce que tu fais, où tu vas. Harley Soupa, boum, suivre partout, là il y a un projet qui arrive là. Yeah. Dans le mois là. Avant, ah, déjà là, novembre aussi novembre, toi pareil. Ouais. Novembre ça arrive. Ça arrive fort. On va écouter le morceau. Mannequin. Ouais, ils sont forts ici, on va tous ambiancer là. Ah là on va le mettre très fort. Voilà. C'est la nocturne. Elle voulait des salons, des blockings, des casse-voix, des buggies. Mais elle veut pas me donner un picking. Elle m'a dit qu'elle voulait, quand j'attrape, je vais même pas la connaître. Casino, je suis sur la roulette, elle voulait pas de moi, elle m'appelle tous les jours. Mets-moi un don, quand SD1 j'avais plus ni kimi. T'as coulé dans l'eau, cassé son dos, faut venir me voir, j'ai tout été. Elle a crapé sur moi quand elle m'a vu en paquet. J'suis en guerre, ta main avec un paquet. T'as coulé dans l'eau pour voir son dos. J'suis tout seul, je ris dans l'eau. Ma beauté africaine vient de loin, mon bébé à la taille. Pourtant remplit bien son paille. Regarde tous ces détails. La tension est montée. Elle me dit qu'il y en a pas de comme moi. Nous c'est Wavy, c'est Souba. Allez de si belle monde. La petite me cherche mais je suis déjà parti hein. J'ai cassé trop de dos de Paris à Papillon. Habitant, pampitant, quelle est la petite faut patiente fille hein. Où tout fait pas bon de savoir, de toute mon attention non, non. Je connais la chanson, quelle est la petite veut son cellulaire fille, et elle va lire l'air. Ça va, ma nigga elle est fâchée non. Elle a sorti majeur en l'air. La petite veut bisous. détail. L'attention est montée, elle me dit qu'il y en a pas de comment. Tu revis au chocolat ou sous quoi? Ah, l'idée si belle monte. Dans le dos, même au dos, t'as négligé, on est sorti dans le dos. Me dis même au dos, je passe par derrière en si mal au ghetto. Dans le dos, même au dos, t'as négligé, on est sorti dans le dos. Me dis même au dos, je passe par derrière en si mal au ghetto. Hop, ah, voilà, de retour à l'instant. Ah, j'étais, franchement, novembre, là, ça va chauffer. Novembre, c'est noir. Ah, là. Moi, j'étais pris par le son, là, j'en pouvais pas. Franchement, Mannequin à l'instant, c'est ce qu'on écoutait dans la nocturne de Planète Rap avec Didi B au contrôle avec Harley. Harley, on ira te suivre. Rappelle les réseaux pour te suivre. Harley, Soupa partout. Hein. Harley. Soupa Life. Soupa Life. Roi de Lama Piano. Soupa. Soupa, papa. Soupa Life. N'hésitez pas à les suivre, il y a des choses qui arrivent, là, dans les jours qui viennent. C'est imminent. Avant de passer un titre totalement inédit. Une surprise, il est venu avec une surprise. Mettons peut-être le morceau avec monsieur Boleman. Voilà. Puisque Boleman est là aussi avec nous. Voilà. Toujours. Ça, je vais entendre. Boleman, pareil pour toi, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Franchement, rien de spécial, je suis chez moi. Rien. Rien. On va se mettre bien. Oh, on est là comme on est. Et dans ton salon aussi, tu enregistres dans ton salon? Non, pas dans mon salon. Mais à la maison. En ce moment, je suis tranquille, je suis rien. Je te mens pas. T'as pas envie d'aller en studio? Non. Qu'est-ce qui se passe? C'est calme en ce moment. Mon bolet, qu'est-ce qui se passe? Dans le bon. On est dans le bon pour l'instant. T'es parti un peu en vacances? T'es en mode foyer, quoi. Ouais. J'étais à Abidjan, là. Ah. Ouais, et alors, comment était l'ambiance à Abidjan? Franchement, c'était calme un peu. Hein. C'était calme. Le pays était calme, là. Bah, tu connais, hein. Ouais, il y avait des élections, tout ça. Mais ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Toi, t'es parti avant les élections, hein. Ouais. Non, mais là, c'était calme. Mais franchement, c'était bien. Franchement, c'était bien. C'était bien, franchement, c'était bien. Eh bien, on va écouter le morceau maintenant. Direct. C'est la nocturne. Et dans la nocturne. Badiz. C'est un morceau de. Ah non. Là, on est sur le D. Le D Boleman. Mojaver. Je crois qu'on est sur la prod là, hein. Ah non. Allez, à capella, les gars. Ah non. Attends, on va gars. Rectifier ça. Les gars. Les gars. On est en train de rectifier ça. Ne bougez pas. Lox. Non, on voyait ma loque. Qui se bat dans ses petits de moco, moco. Dans son jardin de loque. Ok, parlez-vous français. On a trop zé, on est défoncé. Je suis venu, j'ai vu, j'ai maga tous mes hops. Si la petite est bonne, je l'ai défoncé. Ok, j'ai vu son bouton, son écran. La petite est bonne, alléluia. Et dans les vivi, les bolis de parking, ça qui se fait là, c'est que tout va bien. Et c'est les prêtres, la petite là. On va se prendre, la petite là. C'est le baillot, je viens d'Abidjan. Le grès est bon, la petite là. C'est juste mon couplet, les gars. C'est bon, ne vous inquiétez pas. Ça kiffe. Je suis en train de récupérer là les morceaux. On va tester tout de suite un nouveau. On fait tout en live. J'en essaye un autre. On va en essayer un autre tout de suite. On va voir. T'as la Kista balèze. Ah merde. Aura balèze, Kista balèze. Ce n'est pas celui-ci encore, donc c'est l'autre forcément. Je pense qu'on est bon sur celui-ci. Ouais, oui. Non, c'est pas c'est Badi, c'est Poufias. Voiture me lie d'allemand. Moi j'suis pas fêtard. Si j'suis rentré tard, c'est que j'veux faire rentrer l'argent. J'arrive en pétard. Ça c'est mon dégament. Moi j'suis pas fêtard, tu vas rentrer tard. Moi j'fais rentrer de l'argent. Moutilé, moutilé, moutilé, aïe. Moutilé, moutilé. Les locks, la petite est fan, j'ai envoyé ma loc. Qui sait pas danser, petit est moco, moco. Envoie Jean, elle est loc. Ok, parlez-vous français. On a trop sait, on est des français. J'suis venu, j'ai vu, j'ai maga tous mes hops. Si vous voulez me fermer, c'est le déciencé. Ok, j'ai vu son mouton, son écran. La petite est bonne. un alléluia. On a mis le vivi, le bolide au parking, la quiche taille là, c'est que tout va bien. Est-ce qu'elle est prête aujourd'hui là? On va s'y prendre aujourd'hui là. C'est le baillot, il vient d'Abidjan, on est dans le bon aujourd'hui là. Sénégalais, le Bunouchi, ils veulent taper dans le dos, c'est des maudits. Original comme les poupas Fali, volé, même au dos, c'est pas possible. 2225 vols, position de 4h du matin. Maxi Book en chant, saga, saga. Poucho comme Bocho à Sama, Sama. C'est la nocturne de Planète Rap, on se régale. Manger la vie, ça sort quand? Le dé. Le dé. C'est comment? On sort quand? Semaine prochaine. Ah. Le dé qui est là avec nous aussi. Boleman est dans la maison. Bien sûr. Et on approche déjà de la fin de l'émission. Oh. Déjà. Ah oui, déjà. Oh. Déjà. Mais avant de se quitter, on a un morceau à mettre. Tu m'as dit, ce morceau, c'est une grosse exclu. Ouais. J'ai décidé de vous donner ça en exclu, en tout cas. Est-ce que tu veux nous expliquer ce qu'est ce morceau ou tu veux qu'on le balance? Bon, déjà, il faut attirer l'attention de tout le monde pour que ça commence. Alors, fais un petit tour dans le studio. Hein? Hey. Hey. Ah ouais. Alors, c'est bon. C'est un morceau que j'avais bien envie de faire. Mmh. Avant de passer à autre chose, avant de passer à mon projet Juventus. Et franchement, ça a été un plaisir de faire ce morceau. J'adore ce morceau. Il est magnifique. Tu veux qu'on le balance? C'est quand tu veux. Attends que j'allume d'abord. Allume le cigare et tu me donnes le coup d'envoi. Tu me dis go. C'est le Cesare. Let's go. Un galon tigre la maru, bese beti mouton maru bodwe. Bedi do iman maru, bese distrak do imaru bese. Tout le monde en bobo, c'est la tabasque. On va corriger ce petit mouton. C'est un polino. T'as voulu gâter mon nom dans toute la France et te donner plus conditions, mais t'as pas saisi ta chance. Je voulais pas en arriver là, je voulais éviter la guerre, mais t'as snappé quand des fans ont insulté ma mère. Tu n'es pas talentueux que nous, il t'a dit ça mille fois. Mon succès c'est à l'infini, ton succès c'est une fois. C'est César et le chef de Papi à Paris. Il fait du live, on dirait ils ont mis piment dans ses narines. Madou Bézé, fiston, t'as chié Tibakaka. Quand tu parles de taille, est-ce que tu penses à Arnaud Kadakata? Toi tu peux me parler des plata, oh mon dieu, je sais pas. Partout où tu chantes, ça se passe mal, parce que j'ai un petit bail. Je n'attends pas bien. En fait, t'es un sale petit manipulateur. On m'a dit que tu parles de moi pendant 3 heures, Yika t'y pleure. T'as soigné le couloir, des séances de 1000 euros pour une russe. Je connais ton interview où tu renies le virus Sam. Je veux dire que Arafat ne m'a jamais influencé. C'est juste que peut-être que les personnages se ressemblent. Sinon, en tant que rappeur, je ne peux pas me laisser influencer par autre genre de musique qui n'est pas du rap. C'est comme ça les Ivoiriens sont. Non, c'est impossible que tu leur dises ça. Mais man, Arafat ne m'a jamais influencé. Refrain. Le match est fini, ce n'est pas la mi-temps. Quand ils parlent de toi, t'es fond, elle t'es 32 000 dents. Tu parles de Niagara, mais tu t'es fait gogainer par Jojo le barbu. Manu aime parler des femmes, des gens, hein, il critique ta Barbie. Rien que pour ma vieille, je me dois de t'apprendre le respect. C'est pas de ta faute, quand tu t'es cherché, c'est garçon qui t'a bête. Toi, t'as construit ta carrière autour de 2000, Dieu t'a donné succès pour 2000. Tu peux pas bâcher ton snu, hein, ton tigba nombril. Big en pou, nombril, big en pou. Toi, tu as deux pins, tu es parlé de physique et moi. Amaïté, je suis deux fois. Tu bandes d'en haut, tu bandes d'en bas. Amaïté, tu es parlé des physiques et moi. Faut parler encore d'avoir. Amaïté, et de vos putains de carrière, je suis le noyau. Je vous prends un coup, KO, c'est Bayo. C'est qui le boss? Ne vous amusez jamais, moi, musicalement. Hey, c'est qui le boss, papa? Punissez vos conneries, moi, Bayo. Je suis vos médicaments. Hey, j'ai connu Almighty, des eaux carbassiantes. Le rap ivoire n'était jamais dans votre sale science. J'ai connu Nash, M.A.M., Yves Zoko Junior. Et on s'est jamais plaint s'il n'y avait pas de mentor. Kiff no beat, roi du rap, jeu à vie. Tu clash, hein, mais t'aimerais avoir ma vie. T'as fait 4 ans sans hit, c'est pas de ma faute. T'étais animateur, Joe, c'est pas de ma faute. Baudouin, t'es haineux et gris, j'suis pas coupable. À Dubaï, t'es dans rempart de soins 10 000 dirhams. Y'a un qui danse sur en haut jusqu'à y transpire des aisselles. Dans son foyer, il fait la vaisselle. T'as demandé maison de 25 millions à David à Ancre. J'te conseille de partir à son Godouin. Tu vas rien faire contre le paillot, t'es en 1000 pas. Tu seras comme ton débardeur et j'ai toi dans Billboard. Ne vous amusez jamais, moi, musicalement. Hey, c'est qui le boss, papa? Punissez vos conneries, moi, je suis vos médicaments. Hey, c'est qui le boss? Hey, il vient d'ensemble, mais je suis toujours de la partie. Hey, c'est qui le boss, papa? C'est le Bayo, le plus grand rappeur de la patrie. Hey, hey, y'a entendu que t'as fait clash, t'as parlé de ma femme dedans. Si entends une fois encore que tu parles de ma femme dans tes conneries, là, on bâtit sur un sujet très sensible. Toi-même, ton côté, là, tu sais que c'est pas la vérité qui est sortie. Tout le monde sait, mais on veut pas parler de ça. Et puis si tu t'amuses, il est parlé de ton mari. Tout le monde va savoir. Si tu es garçon, on n'a qu'à commencer. Celui qui est garçon, il n'a qu'à commencer. Vous pensez que vous êtes bête? C'est mon premier, mon last nigga marche. C'est Bayo. Il n'est plus vrai, il n'y a plus quelqu'un qui a dit quelque chose. Ils ont tout gratté et puis on est parti. C'est la Cesare. J'y ai pas. Il en avait gros sur la Cesare. La Cesare. Il en avait gros sur la patate. C'était bien la surprise. Le morceau s'appelle Baudouin. Ouais. Baudouin quoi? Baudouin. Baudouin, ouais. Normalement c'était Baudouin et Picampou, mais bon, Baudouin, c'est, ça englobe tout. C'est non, mais alors pour expliquer un peu aux gens qui n'ont pas suivi, c'est clash que vous avez ils aussi. Ont en... suivi. Vous avez... Ils ont suivi. Ils ont suivi, il y a trop de rêves dedans, ils vont bien. Oui, oui. Ils vont bien kiffer. Que tu as, mais concrètement, juste pour expliquer peut-être aux gens qui débarquent, qui savent il les a. Non, mais j'ai besoin de comprendre. Tu es en clash face à Imra notamment, mais ça part de quoi en fait? C'est quoi l'histoire? Non, je suis pas en clash face à Imra, je. C'est une... en clash face à lui. Voilà, c'est une réponse face à un petit qui a été trop impoli envers moi. Mm-hmm. Et c'est comme le grand frère qui te donne un gros cocotta pour te dire calme-toi, c'est tout. C'est un rappel. C'est un rappel. Voilà, c'est un rappel à lui et j'ai cité 2-3 noms encore dedans. Oui, j'ai fait une sauce guaguassou quoi. J'ai cru comprendre qu'il y en avait plusieurs. J'ai englobé un peu tout, voilà, s'il y en avait plusieurs un peu. Qu'il y en avait plusieurs aussi. Voilà, comme j'ai pas le temps, j'ai géré un calendrier chap-chap avant de passer à mon. Mais nom. Ce petit côté aussi West Coast qui ça, c'est pour aussi. Montrer que je connais la culture voilà. Hip-hop. La vraie. Donc tu fais une référence avec l'époque aux États-Unis, East Coast, West Coast. Ouais, il fait une référence aussi à Garba Séante, Yves Zogo Junior, mm-hmm. Les pionniers du rap ivoirien, Stezo Almighty, pour dire que je les ai pas oubliés. Nash, merci. La Go Krakra. J'ai entendu bien. Tout ça, c'est mes vieux pères, c'est nos vieux pères à tous, donc. Et l'idée, c'est rappeler aussi qu'il ne faut jamais oublier l'histoire, voilà, de ceux qui ont marqué l'histoire de cette musique. Bien sûr. Et qui ont permis d'ouvrir des portes, c'est ça. Merci. C'est important. Donc c'était un petit rappel de grand frère. Un petit concours de grands femmes. Est-ce que c'est la fin ou est-ce qu'il y aura d'autres? Tu doutes bien, peut-être qu'il y aura des morceaux des qui vont arriver. Tu répondras ils à ont tout fait, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Hein. Donc moi je finis eux comme ça. Enfin, ce que t'as entendu là, c'est fini. Hein. Fini après. Et puis il m'en vais. Après, t'es sur l'album. Le reste de ça, c'est le problème. 14 novembre, sortie du projet. Merci d'être passé, Didi B, dans l'émission. Yes, merci calamar, à toi. Merci beaucoup à toi. On va saluer Harvey qui était là. Juventus. Avec nous. Merci. Merci à tous mes invités. Qui était là. Merci. Yeah, yo. À TRK qui était avec nous aussi. Et la magnifique Davinor qui est là. La duchesse de Picardie. Toi, tu en clash avec personne, Davinor. Moi ouais. Hey, ça en clash avec moi. Mais toi, non. Moi, j'ai pas le temps. La duchesse n'a pas le temps. Je suis charismatique, je suis trop posée. Je suis en accord avec moi-même, j'ai pas le temps, je connais mon niveau. Quoi? Tu penses que je suis en clash avec qui? Non, non, je, ah, non, non, non. Moi, c'est mon métier, moi je suis pour la paix. C'est une émission de distract. Moi, je suis moi, je suis pour la paix. L'important, c'est la paix et la musique, elles sont. Non, me titille, mais je fais comme si je vois pas. Tu vois pas, et tu as bien raison. Oui, oui, je suis en Mariam, là. Didi, on rappelle que tu seras aussi en concert 2026, ça c'est important. Zénith de Paris, à pas louper, hein. Ouais, 2026, 19 avril. 19 avril. Zénith, vous aurez les liens de la billetterie. Quand l'album va sortir. Et puis aussi, ne loupez pas le projet qui arrive dans une semaine. Merci d'être passé Juventus, par là. Juventus, c'est pour dire jeunesse et puis nouvelle ère, nueva era. Donc c'est dans ça qu'on est maintenant. Et l'avenir est encore à toi. On a coupé chez lui et puis on est reparti comme si on avait 17 ans. Merci à tous. Merci, la nocturne, ça continue. Ciao l'équipe, merci. Yes. Les meilleurs sons de la semaine, sélectionnés par Fred, c'est Skyrock. La nocturne. Allez, on continue. Orelsan. Tu nulle part, t'es fini, t'es nul, t'es éclaté au sol, tu sais pas rapper, tu t'en fous, personne t'es cool, t'es un sec à queue là, tu es pour que ça, t'es un va, t'es qu'un pour, t'as pas de vie, t'as jamais respect, t'as une mère, t'es une personne, tu l'as voulu, tu l'as eu, maintenant assume. Tu l'as voulu, tu l'as eu, maintenant assume. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Tu l'as voulu, tu l'as eu, maintenant assume. Tu l'as voulu, tu l'as eu, maintenant assume. Tu l'as voulu, tu l'as eu. La presse, les couvertures, quand t'arrêtes dans la rue, les photos dégueulasses à ton insu. Le mec agressif qui sort son téléphone et t'insulte. Le tribunal des pauvres qui ont aucune preuve et qui juge. T'as voulu faire le show, donc te plains pas quand ça brûle. Y'a plus de demi-mesure, t'es un génie ou t'es nul. On te donne des convictions que t'as jamais eues. Et si t'agis pas comme ils s'imaginent, ils sont déçus. Tu l'as voulu, tu l'as eu. T'as pris une part de toi tu l'as vendu, t'écris tu te mets à nu. Donc en gros t'es leur pute. T'as voulu tes parents qui t'harcèlent pour faire de la pub. Pour que le chauffagiste fasse une réduc. Tu l'as voulu, tu l'as eu. La haine sur les réseaux on s'habitue. De temps en temps t'en manges quand même une. Avec un fond de vérité qui t'envoie dans le dur. Tu te mets à déprimer mais c'est ta conscience qui te torture. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Les selfies à l'enterrement de ton grand-père. Les désolés je veux pas te déranger mais je fais quand même. Le père de famille qui sort l'appareil en secret. Ton pote qui l'insulte devant ses gosses. Donc tu t'en perds, tu l'as voulu. Les détournements d'hier. Des citations bizarres où t'as pas vraiment dit ça. Et tu prends du poids, t'es moche, tu vieillis mal. Tu dis que ça fait rien mais devant la glace tu te sens minable. À force tu mélanges le vrai toi avec ton image. T'es beau en vidéo donc t'aimes plus ton vrai visage. Tu l'as voulu. Ceux qui matent au-dessus du grillage qui sonne chez toi. Demande aux voisins si t'habites là. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Les caméras, les flashs, les menaces de mort, les cambriolages, l'omniprésence des fans. Tout le monde veut un bout de ton âme. Les drames, les critiques sur le physique de ta femme. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Maintenant assume. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Maintenant assume, tu l'as voulu, tu l'as eu. Tu l'as voulu, tu l'as eu, maintenant assume. Tu l'as voulu, tu l'as eu, maintenant assume. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Tu l'as voulu, tu l'as eu, maintenant accepte. Tu voulais qu'on te calcule, donc ils sortent la calculette. T'as voulu la grande échelle, tu rates le barreau, c'est dead. Si tu fais disque d'or, ce sera ton plus gros échec. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Le train de vie, les taxis, les avions. Quand y'a moins de charbon, faut détacher les wagons. Les vidéos virales, celles qui te font passer pour un con. Pour eux, c'est du divertissement, pour toi, c'est de l'humiliation. Tu l'as voulu. La pression fois 1000, tentation fois 1 million. T'es foutu. On propulse en monde des addictions. T'as voulu l'alcool gratuit, voulu être mignon. L'ancien loser en toi t'en voudra si tu dis non. T'as voulu les bonnes causes, t'es celui dont le peuple a besoin. Ils diront que t'as le destin du pays entre tes mains. Tu culpabilises d'être connu, tu veux faire un truc bien. Tu t'engages, tu dis de la merde parce que t'y connais rien. Tu l'as voulu, tu l'as eu, t'as voulu tout. T'as voulu trop de piment, maintenant rien n'a plus de goût. Plus t'as de matériel et plus t'en as rien à foutre. Et plus tu regrettes de plus pouvoir sortir faire un tour. Géolocalisé, on sait toujours où tu te trouves. T'as voulu les potes relous, les cousses qui se ramènent tous, les bâtards t'étais où, pourquoi t'es parti sans nous. Pourquoi des gens qu'on connaît pas en t-shirt marqué crew. Toi tu sais plus où t'étais tous les jours sur les routes. Si c'est pas déjà fait la tournée va achever ton couple. Tu l'as voulu, Monter sur scène avec un début de grippe. Lutter pendant deux heures pour décevoir le public. Le petit comique qui est timide, qui voit pas que t'es timide. Le soulard qui te fait la bise, qui dépasse les limites. La mère de fan dépressive qui t'attend derrière la grille. Qui te raconte un truc intime, à la fois gênant et triste. T'as voulu les hypocrites, la parano qui s'invite. T'as voulu avoir à gérer tous les jours des demandes de feat. Si tu dis oui, faudra que tu viennes au show, faut faire le clip. Ou t'as un rappeur susceptible qui te menace en public. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Les Golgoth de sécu, c'est qu'une forme de raquette, ils en veulent toujours plus. T'as voulu rapper, donc t'es jamais loin de la rue. T'as voulu nager avec les requins, assume. On t'aimait comme t'étais, mais tu l'es plus. Tu referas jamais aussi bien que ton premier tube. Tu l'as voulu, de toute façon, qu'est-ce que tu veux leur raconter, t'as plus de vécu. Donc là, t'écris des trucs qu'en fait, ils te ressentent même plus. On te dit, prends tout maintenant, c'est pas sûr que ça dure. Et c'est sûrement la meilleure chose à faire pour pas que ça dure. Tout le monde voit que ça t'use, mais tout le monde a une offre qu'il faut surtout pas que tu refuses. Quand t'es une machine à sous, prendre du repos, c'est un luxe. Tu mélanges les projets, y'a ton cerveau qui sature. Ça s'appelle une deadline parce que ça tue. Ta vie c'est des heures sup. Tu veux bosser mais quand t'es pas là plus personne s'amuse. Et tu rack et tu rack et tu rack. Un jour y'a plus de merci, y'a juste une machine à cartes. T'as voulu faire de l'art mais maintenant tu fais des maths. Tu sais plus si t'es un humain, un business ou une marque. Tout le monde est là grâce à ton taf, mais personne veut que tu le fasses. Et c'est pour ça que sur un trône y'a qu'une place. Et tes problèmes de star, tout le monde s'en tape. Fallait pas faire le pacte, fallait pas tendre le micro pour te faire battre. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Les meilleurs sons de la semaine, sélectionné par Fred, c'est Skyrock, la nocturne. T'inquiète, on s'en tient au plan. Double à Orelsan, l'album vient de sortir. Je sais pas pourquoi tu nous parles de God, t'es même pas le meilleur de ta ville de merde. Tu peux vite croire que t'es très chaud quand tu t'entraînes qu'avec tes brels. Normalement je fais pas la compète, mais va bien falloir qu'ils comprennent. Multiplie tes ventes par trois, t'as la moitié de ma première semaine. C'est vrai. Avant j'avais rien à perdre, j'suis plus fort depuis que c'est le contraire. C'est vrai. Avant j'aimais pas l'amour, avant j'avais jamais dire je t'aime. Je cours pour esquiver mes problèmes, mais je tourne en rond donc ils reviennent. La vie c'est dur de base, t'es sur terre parce que quelqu'un a niqué ta mère. C'est triste. Tous les jours je refuse d'échec, une fois sur 200 j'en accepte. J'ai pas dit que je suis un putain de rebelle, j'ai dit que j'écris des putains de textes. C'est vrai. Musique trop fort dans la caisse, je sais pas c'est peut-être une Mercedes. J'sais l'époque pas. De Dat Pif, les mixtapes, les soirées je dormais sur la banquette. Ouais. Combien de fois tu vas dire que je suis dead? 1, 2, 3, 4. Ça part en pogo, je suis sur scène. 1, 2, 3, 4. Maintenant je sais reconnaître le trait. Et dit que tous les autres c'est des traites. Des vipères, des couleuvres, des pitons, des boas, des cobras, des mambas, bienvenue dans le game. Désolé t'es pas gang gang. Andromède quand je me déchaîne. O-R-E-L-S-D-M. Je rentre dans ma période des BZ. Ils ont tous le nez dans la planche. C'est enneigé, faut mettre des chaînes. Personne n'a peur de ce qu'il attend. Jusqu'à ce que la lumière s'éteigne. Grave. J'allume la lumière avec un Glock. J'commence mon couplet avec un grain. J'démarre ma carrière d'artiste avec un pote. J'commence à l'arrière, j'finis devant. J'te file des lits, j'te fais du bal le vin. J'pousse cette merde et le soleil le vent. Et j'quitterai ce monde avec un verre de vin. Ouais, faute sur moi, j'te laisse guetter la barre. J'vise vers toi, j'te laisse guetter la mort. J'ai les mains dans la merde et sur un disque d'or. Tu veux de l'oseille, moi j'peux te faire taffer. Cite mon blason, fais ta fête. Qui t'a fait croire, t'y arrives sans taffer. J'commence couplet quand t'attendais le refrain, yo. Là où c'est propre, nous on vient faire du sale. Chez moi on graille à même le sol. Me fais les becs en ramenant mon pompe à la salle. C'est pas ton pote, ça a ça. Il veut se faire ta reçue, il veut se faire ta piolet, ta recette. J'ai peut-être un petit pète au casque, les ouvrir on casse. Mais plus fort le son dans la caisse. Jojo, quand je suis dans celle-là, je suis trop trop chaud. Tu connais l'ami, tu touches ta chef. Pour pas qu'il revienne, tu tires ta chef. Change de chaîne, mais tu verras toujours ma gueule. Si bague au doigt, je suis comme Michael. J'avance en arrière, je suis comme Michael. Devenir artiste, influenceur ou sportif. Je peux pas les blâmer, j'ai fait pareil et je m'en suis sorti. Je croyais que j'avais gravi les fraises, j'étais sur une colline. Rien à prouver, j'enlève les étiquettes sur le story. Trop de tout est toxique, trop de bonnes choses aussi. Y'a une fine ligne entre être un bouffon et un comique. Ils veulent que j'explose la dalle de béton à la John Wick. Je leur souhaite d'être heureux pour qu'ils me lâchent parce que je suis égoïste. Orelsan y viendra bientôt dans Planète Rap, un Planète Rap exceptionnel, un dimanche soir, entre 20h et 21h. L'album vient de sortir, régalez-vous avec Orelsan et SDM Soleil Levant, c'est ce qu'on écoutait à l'instant dans la nocturne de Planète Rap. Nocturne qui continue avec que des nouveautés jusqu'à la fin. La nocturne. Tous les vendredis soirs à minuit sur Skyrock et H24 sur l'appli Skyrock Radio. Ersko, les L2B, Ça aussi, ça vient de sortir. Daytona. Moi, je fais augmenter mon blé. Je peux pas tout dire ce que j'ai remonté. J'en ai vu des Yankees défiler sur la laisse. Ça m'a fait, mais j'étais trop tenté par le blé. J'ai reconté 5 fois la qui je suis. Je prends un menu, je sais pas si tu bouges, je te dis bye. La Esther, elle est prête, mais m'a donné ça pour rester 5 étoiles. 5 étoiles. Le papier en brique de 10. Je l'ai fait à 17 piges. J'avais déjà ma clique en cric. Tu claques tes briques, t'es un putain de pigeon. J'ai toujours un smic dans ma sacoche à smic. J'ai dû braquer la step, toujours beaucoup d'inspire. J'suis rempli, j'vends plus la 09. Du coup, beaucoup de refs. J'ai mangé la mèche. J'ai rien 12 piges, j'l'ai aussi fit. C'est grâce à eux, c'est grâce à eux. T'es le talent dans le cœur. J'vais te mettre faire sans deux spies, j'suis trop de spies. Grâce à Dieu, tout va bien. Que tout va bien. J'ai les poches pleines, les billets sont yellow sous celle-là. Pour faire mon shopping, j'vais faire le tour de Panama. Ils me prennent pour un carré pour me saluer, ils m'ont dit hello. J'ai sorti la Amex, tout dès j'suis sans état. J'ai les poches pleines, j'ai rangé mes billets à déco. Deux, trois choquets, j'ai assez pour payer la Daytona. J'ai un écrit, j'ai pendant que nous on paye qu'un plan pro. Je suis focus sur moi-même, je peux pas répondre au bigo. Je fais mon shopping, les billets sous cellophane. Pour faire le jump, je check mon Instagram. Je vois pas de différence entre toi et un fan. Je fais des pics sur le sprinter. Après le show, ma fanbase, c'est ma famille. On fait les choses, toi tu prends les micros. Y'a rien à voir pas là, mais mentality, tality, pas de plan, Amélie. C'est la SACEM ou bien c'est les royalties. T'es qui là dans la cheese, ma tête fait des rodéos graves. J'ai failli carton pendant trop des hot shots. Où j'ai un DC, j'prends le MK tout XX. Comme les remplis des Messi. J'sais pas comment être dans le dressing. J'ai 20, j'ai grave du style. Ils sont remplis de jalousie. Ça dépense comme pas possible. J'crache une grosse fumée nocive. J'ai rêvé d'un milliard de tous, pis j'l'ai aussi fit. C'est grâce à Dieu, c'est grâce à Dieu. T'es le talent dans le cœur. J'fais de mes fers en deux spies, j'suis trop de spies. Grâce à Dieu, tout va bien. Que tout va bien. J'ai les poches pleines, les billets sont yellow sous celle-là. Pour faire mon shopping, j'vais faire le tour de Panama. Carré pour me saluer, ils m'ont dit hello. J'ai sorti la Amex, tout dès j'suis sans citadin. J'ai les poches pleines, j'ai rangé mes billets à déco. T'es pas choqué, j'ai assez pour payer la Daytona. T'as ta chaîne écrite, j'ai pendant que nous on paye qu'un plan pro. J'suis focus sur moi-même, j'peux pas répondre au bigo. La Nocturne. Tous les vendredis soirs à minuit sur Skyrock et H24 sur l'appli Skyrock Radio. Nouveauté encore. Leto Niska. Ça donne. Ça donne. C'est Mozart, capitaine Jackson. Ah ouais, c'est lui, Leto. Si tu. Ensemble, joue Paris Saint-Germain, sacoche le vidon, plaque polonaise. Allez-y, de la mettre dans la tête en vrai. Le charras fait que t'as le cerveau en vrac. Impliqué, les typés, toute l'année en plaque. Que du concret, nous jamais on jacque. J'suis leur bon vieux en même temps un crack. Mentalité charron comme nous, non cac. J'allume un pétou, pense à mon butin le matin. Directement, j'fais des matheux. Yamamoto, le tireur, l'opposant court, il a pris peur. J'plaise, coup de couteau près des adducteurs. Jason va couper mon gâteau. J'contrôle mes stats comme un buteur. Pendant que mes rejoues de la guitare. Dehors, c'est chaud, c'est pas tuteur. Dans le bâtiment, c'est agressif. Y'a écrit nique la police et ça sent la pisse. Oui. Que de la fumée nocive. Coup de pied retourné, même s'il vient la 10. Tu veux une 10 ou un 10 quoi? De la neige, il en a plein le pif. Attaquant, j'fais la diff. J'suis dehors tous les jours, j'prends des vis. Sous leur rire, j'vois les vis. Tous ces vices qui déguisent. Et c'est seulement quand ils sont endettés qu'on les voit chanter à l'église. J'la mets en pleine lucarne. Elle se déshabille, j'roule un trône. Écoute un peu comment ça cogne. Écoute un peu comment ça donne. La hagla, ça paye pas à part dans les zones. Ne fais pas la cahier, t'as même pas les codes. Ferrari, plus on s'en gué. Écoute un peu comment ça cogne. Les ennemis font un lance roquette. La quête, je la coupe et l'enquête est ouverte. 911, le toit est ouvert. Ça a pas commencé, mais pour toi, c'est ouvert. Prisonnière, on est passé du crime au rap. J'avais juré de pas finir demeuré. Regardez, ils ont cru que c'était comment. La rue, c'est une biche dont tu peux finir amoureux. C'est mort. C'est fini pour eux. On mange le son dans la barre JBL. Y'a la tasse, mais qui remue son gros BBL. Mélange vodka et Red, je lui donne des ailes. Ça donne. Pour les baisers, j'ai tous les outils. Tu sais que dans les rues de ma ville, ça cogne. Viser le top ou bien la tonne. Seul, le ton carré changera la donne. Illégal, illégal, il contrôlait le R. Il a perdu les pédales à cause d'une folle. T'es pas la rue, t'as pas les codes. Plus je m'enrichis, plus je perds les potes. Pas comme nous, ils ont pas la mentale. Pas comme nous, ils font même pas de tannes. Ils sont boulés la table et les baillacas. 4-7, c'est le métal illégal, illégal. Dans la zone, c'est la le meilleur son de la semaine. Sélectionné par Fred, c'est Skyrock. La nocturne. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. Hein. La fouine, Fianso. Franchement, ce morceau, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, nouveauté. C'est la nocturne de Planète Rap. La fouine, Fianso. Le dur c'était Van Dyke, yes I. Trop de pilons, je fais déborder le Versailles. Je suis encore là quand l'ennemi tressaille. Je suis encore devant JLD de Versailles. J'ai vu couler trop de sang dans trop de scènes. J'suis dans le carré vide d'El Moradia. J'ai tout le livre des miens sur mon gros zen. Je suis instable comme le cours du Frozen. Y'a que les loups qui comprennent ce que je dis pas. Qu'entendent le sens caché derrière les pages. Qui savent qu'on décide quand se referme les cages. Dans le dernier bureau du dernier étage. J'm'arrache avant que le passeport expire. Incriminé dans le rapport d'expert. Dans les flammes quand le dragon respire. Panique et ta mère signe Shakespeare. Elle quitte ta zone avant qu'il te casse ton crâne. Petit frère, tout le monde a peur face au crime. J'suis toujours le 9-3, j'suis comme le suprême. Et j'mets tout le monde d'accord comme Fianso Prime. Quand j'arrache tout son verre, t'as CTLM. Trimar qui parle sur bleu, qu'y a pas d'affaire. Snap le Mercedes, c'est comme bref LM. Un tampon sur ma carte du FLM. Tous les huissiers partent avec les meubles. Tes comptes à garer, l'Urus devant l'immeuble. Autour de moi, y'a que des mecs qui ont pris 10 piges. Toi, t'es là, tu nous parles de tes 10 meufs. Rien que ça pédale, je vais finir en réa. Parce que je racontais réel. La vie, c'est un film, j'ai tiré sur le réa. Les contrats se lisent, les contrats se relisent. Les types, ils t'allument le jour de ta release. Parti, ramène un gun bébé pour être assorti. Ma vie c'est des roses et des orties. Un cercueil, une porte de sortie. Y'a des anciens qui ont coffré 4 lourds. Ils ont toujours sur vêtement des 4 longs. Des fois la tôle c'est une étape longue. Et je me sens comme un muet qui connaît 4 langues. L'argent il parle, il a articulé. J'finis au placard, j'suis immatriculé. Quand la moto s'arrête à ton niveau et que le coup part, y'a très peu de miraculés. Le pétard est gros comme ceux de l'armée. J'ai de la blanche pour les narines à de l'ormeau. Si j'perds un lourd, pas de quoi s'alarmer. Les larmes de la daronne, c'est ça l'alarme. Studio A, j'pose dans studio B. Pendant que les types te servent dans le studio C. La mort c'est le temps fort, t'as une arme, tu t'en sers. Pour qu'avant t'en sers, tu mérites ton sort. Tu mérites ton sort, ouais tu le mérites bien. Elle est douce comme les petits déj, on mérite bien. Et j'voudrais partir en récitant. J'ai pédaf, pas besoin de pisser dans le récipient. J'ai connu les guns et j'ai plus peur des cravates. Même les plus petits veulent leur journée de travail. J'ai grandi dans un océan de rage. Avant de finir sur Ocean Drive. J'leur mets que des lucas, j'les traumatise. J'ai deux beaux petits frères si t'es trop balèze. Je suis sur Club des Pins, je suis sur Moretti. Je t'empêche de dormir comme une oranaise. Jamais eu de sécu, jamais d'assistant. Si je t'insulte ta mère, c'est que je suis pas distant. Génération locale, Rosé Merquez. Cher Younes et retour du Pakistan. À la BNF, dans le Franck, dans la Tchoucha. Gros tatouage, des blocs, Salvatrucha. Toutes les brigades de cops qui m'escoucha. J'ai des beaux gars d'époque, t'as les moucha. J'étais déjà plus fou que sans inversant. Hein, tu m'appelles ta mère, j'ai pas fait un standard. Ton poids, je le brise, tout le biche, l'arpente. Et ça parle fort, je l'entends, t'as les serpents. Recouche du plâtre pour les cicatrices. 1 million d'euros pour sécher mes larmes. Je perdrai pas madame pour une petite actrice. Ça riche mais ça coûte cher les petits caprices. Je monte pas sur l'affaire sauf si Moussiva. Ça fait tellement longtemps que je les écoute plus. Y'a des soucis quand tu t'en soucies pas. Affranchi 93 Moussiba. 38 toujours en demi. Putain de baveux, je ressors en mai. Big two pas colas en mi. Je viole ce game, il perd les os. Putain de parcours, j'ai dû braquer la course, j'étais dans le four, aujourd'hui je suis dans le four season. J'envoie des PC, SPS et le petit m'a dit chante dans four season. Elle fait des passes et des passes et les cons des repasses et les puces sont les casses, les nourris sont déplacés, les hommes sont des pas. J'suis tout seul devant la cage, ils veulent pas faire de passe. Et c'est fouigné SO et la vision est prophétique. Le type m'appelle Indy, j'dois sauter qui. Et sur le poignet c'est Rose Gold. Maroc, Algérie sur une grosse prod. Son de la semaine, sélectionné par Fred, c'est Skyrock, la nocturne. Il y a un album avec plein d'Italiens qui se préparent pour la crime. Voici justement la crime avec Baby Gang. Le morceau s'appelle Rock. J'ai tout dévoué la vie, Italien. La mort, la stick, la glock, la ouf, la drogue. J'ai lit tout dévoué la vie, la mort, la stick, la glock, la ouf, la drogue. J'ai lit tout dévoué la vie, la mort, la stick, la glock, la ouf, la ouf, la drogue. J'ai lit tout dévoué la vie, la mort, la stick, la glock, la ouf, la drogue. J'ai lit tout la tua vita. Amico, non mi fido della figa. Solo un'arma e una canna tra le dita. In paranoia con un mitra. Aspetto che la porta sia per grida. Sono in questo mondo per mettervi in riga. Non mi fido della vita. Ho perso troppi amici, troppi niga. Troppi soldi, troppa chista che per dire sì la testa. Faccio una rissa col figlio del camorrista. Mio padre mi prende a sberle. Che cazzo vuoi fare il gangster? Mamma tranquilla, tuo figlio è un tipo tranquillo. Se tocchi la mia famiglia sei primo uomo incinta. Tipo consiglio in camera di consiglio. Pensate ai vostri figli e non scassatemi la minchia. Questo è un momento nostro. Questo è un momento che mi ha aspettato per tanti anni. E tu mi stai trattando come un strutto. E tu sei scordato che le cacce fanno per te. Scegli tu se vuoi la vita, la mort, la stick, la glock, la... la roue, la drogue, chez les deux c'est voué la vie, la mort, la stick, la glock, la la roue, la drogue, chez les deux c'est voué la vie, la mort, la stick, la glock, la la roue, la drogue, chez les deux c'est voué la vie, la mort, la stick, la glock, la la roue, la drogue, chez les deux c'est voué la vie, la mort, les meufs et l'or, c'est mes amis. D'abord, tu le sais que c'est pour la vie, à mort. Et si tu trahis nos amis, à midi, t'es mort. Je rentre tard, je fume un joint, je regarde la lune derrière la vitre. Gros, j'en ai marre de ces fils de pute qui me font la bise. Je calcule pas les abus de poisson, les paroles devant les mises. Combien de fois j'ai dit lui c'est un bon, et puis il met la mise, ouais. J'ai perdu la raison et j'ai mes raisons, ouais. Où y'a les 4 saisons, j'ai acheté une maison, ouais. Dès que je sors la tête de l'eau, les flics me font béton, ouais. Je quitterai jamais ma femme pour une paire de tétans de Vados. Papa te faire gratos, mais les mômes faut qu'on prenne 500 kills de matos. J'suis comme le Lagos. Une légende infréquentable car je suis tombé pour des bracos. Chez les deux c'est voué la vie, la mort, la la drogue. Chez les deux c'est voué la vie, la mort, la drogue. Chez les deux c'est voué la vie, la mort, la drogue. Chez les deux c'est voué la vie, la mort, la drogue. Chez les deux c'est voué la vie, la mort, la drogue, chez les deux c'est voué la vie, la mort, la drogue, chez les deux c'est voué la vie, la mort, la drogue, chez les deux c'est voué la vie, la mort, la drogue, chez les deux c'est voué la vie, la nocturne Skyrock. Nouveau son de Gizmo. Fardeau du renard. Le renard. Giz. C'est dans la nocturne. Nouveauté. Je touche le spliff. Écoute le spleen. Je me réveille quand la lune est pleine. Mes objectifs ne sont plus les mêmes. C'est souvent le quartier qui tue les rêves. L'impression d'avancer dans une brume épaisse. Je connais la réussite mais j'ai vu l'échec. Un peu de mélancolie quand j'ai bu des bières. Un peu de cannabis quand je suis sur les nerfs. Plus de flots qu'un bateau lancé sur les mers. Quand j'étais malade et isolé, c'est pas ton contrat qui m'a sauvé la peau. Je me suis fait la malle comme un prisonnier. Ils m'ont mis dedans, j'ai mélangé la sauce. La même dalle qu'à l'époque où je revendais la dose. J'ai toujours travaillé même quand c'était la pause. Adieu mon rêve d'être un numéro 10. À 15 dans ma tête quand je revendais des 12. Ils savent jamais si c'est le guise. Ils savent jamais si c'est le ouz. Pour en être là, j'ai pris beaucoup de risques. Quitter les ruelles de mon 92. Toutes mes galères racontées sur un disque. Avec des négros qui me doivent encore du flouze. C'était pas mes frères, non, c'était pas mes cousins. Sors ma teuté de long, je les vois qui jalousent. Souvent tu sais jamais couler. Reste à ta place, on va te pull-up. Impossible de m'amadouer. Je suis imprévisible comme la roulotte. Ils me croyaient mort, mais j'ai encore de la pêche. Ils me croyaient pauvre, j'ai encore de la fraîche. Ils me voyaient stone, mais j'ai toute ma tête. Je crois que c'est le fardeau du renard. J'ai vagabondé sur des kilomètres. Fait péter les plombs à l'éthylotest. Et quand mon état était pittoresque, y'avait pas les copains ou les filles coquettes. Moi c'était pas Greg le millionnaire. C'était Gizmo et le spliff au bec. Je peux partir en couille comme un bipolaire. Qui a pris un extra dans une discothèque. Dans ma propre carrière, j'étais pris au piège. J'ai brûlé le livre, pas tourné la page. C'était bien plus qu'une simple fièvre. Giz le renard a chopé la rage. Et ouais, j'ai mes raisons, parce que j'ai raison. Parce qu'ils voulaient me voir faire de la raison. Dans mon cœur et ma tête, y'a plus de réseau. Gros, la vie c'est qu'une fois, y'a pas de risette. Je me prenais pour Tristan et toi, Ize. Mon tapis, c'est sur nous que je l'ai misé. Mes deux doigts ont fini dans la prise. Nous deux, c'est pour la vie, tu me le disais. Bullshit, on est toujours seul même quand y'a du monde. Je suis l'offre qui attend la demande. À la fin, je vais me barrer d'ici. Une mexicaine dans souvent mon allemand. Souvent, tu sais jamais couler. Reste à ta place, on va te pull-up. Impossible de m'amadouer. Je suis imprévisible comme la roulotte. Ils me croyaient mort, mais j'ai encore de la pêche. Ils me croyaient pauvre, j'ai encore de la fraîche. Ils me voyaient stone, mais j'ai toute ma tête. Je crois que c'est le fardeau du renard. Souvent, tu sais jamais couler. Reste à ta place, Ouste on va te pull-up. Impossible de m'amadouer. Je suis imprévisible comme la roulotte. Ils me croyaient mort, mais j'ai encore de la pêche. Vineuve la gagne, les immeubles la galère, les filles veuvent la galère. Je crois que c'est le fardeau du renard. Bonne chance. Merci, mais non merci. Skyrock, Skyrock. La nocturne. 2K on the track. Oh, Smoke au volant, gros chargement, balle en brochant, c'est du donnant donnant. Je dois prendre les devants, faut que je passe un palier. Goal volant, chambre la cage escalier. Pied au plancher, ma pétasse est penchée. Que de larmes et de sang, ma soif doit étancher. Avec planche de billets, j'en ai rien à branler. Je regarde le sablier, c'est le moment d'engranger. Je mets les crampons, tu sais que tu vas lire l'heure. Ça sent pas bon, j'arrive comme une tumeur. Je me rapproche des hops comme j'ai au croiseur. Tu te rends compte que la vraie vie, c'est pas Twitter. Goal volant, chambre la cage escalier. Goal volant, chambre la cage escalier. Goal volant, chambre la cage escalier. Je retire la béquille, je remonte la cahier. Je suis sous résine, je porte une tétine. Elle m'attend dans la suite que je lui retire son string. Tu crois qu'on est cuit, c'est ta grand-mère combine. Pour acheter ta vie, pas besoin de faire une tontine. On a été gentil si tu portes une attelle. En LV au boum boum ou bien au bagatelle. Je réponds toujours à l'appel du cartel. Je lui vends à lui et je lui mets à elle. Tu peux la hesse, ça fait longtemps que je suis dans le business. J'ai la paume trop dure, j'arrive pas à les caresses. B-I-N-K-S, B-I-N-K-S, B-I-N-K-S. Je lui sors son Hermès, ma seule faiblesse. C'est les grosses paires de fesses et les kilos de 16. B-I-N-K-S, B-I-N-K-S, B-I-N-K-S, B-I-N-K-S. Tu peux la hesse, ça fait longtemps que je suis dans le business. J'ai la paume trop dure, j'arrive pas à les caresses. B-I-N-K-S, B-I-N-K-S, B-I-N-K-S. Je lui sors son Hermès, ma seule faiblesse. C'est les grosses paires de fesses et les kilos de 16. B-I-N-K-S, B-I-N-K-S, B-I-N-K-S, B-I-N-K-S. Trop serein, j'avance comme un renin. Piqué par une putain, je recrache le venin. C'est pour ma douma, je suis noir comme un kuma. Pas le temps de kuma, je suis pas dans les goumins. Tous maudits, on est tous des OG. Un peu d'aromagie, beaucoup de Yamakuji. Cœur de pierre, c'est la West Ham. Pas de point à FR, on est mauvais et fier. La fonce dépasse pas quand la frappe vient de chez nous. Je suis pas précoce, elle a mal au genou. On est coupable, mais bien sûr qu'on y tout. Deux chargeurs dans la ville, c'est comme ça qu'on y joue. Goal volant, chante la cage escalier. Goal volant, chante la cage escalier. Goal volant, chante la cage escalier. Je monte pas dans leur train, il est en train de dérailler. Y'a pas mes paluches, toujours ganté. Je dors comme un bébé dans la maison hantée. Y'a pas de thriller, mais tu peux te faire planter. Je suis du Sahel comme Souma au Golo Kanté. Pourquoi ça te dérange si j'ai envie de recompter? Pourquoi ça te dérange si j'ai envie de recompter? C'est une jument, j'ai envie de la monter. En attente de jugement ou de se faire remonter. Tu peux la hesse, ça fait longtemps que je suis dans le business. J'ai la paume trop dure, j'arrive pas à les caresses. B-I-N-K-S, B-I-N-K-S, B-I-N-K-S. Je lui sors son Hermès, ma seule faiblesse. C'est les grosses paires de fesses et les kilos de 16. B-I-N-K-S, B-I-N-K-S, B-I-N-K-S, B-I-N-K-S. Tu peux la hesse, ça fait longtemps que je suis dans le business. J'ai la paume trop dure, j'arrive pas à les caresses. B-I-N-K-S, B-I-N-K-S, B-I-N-K-S. Je lui sors son Hermès, ma seule faiblesse. C'est les grosses paires de fesses et les kilos de 16. B-I-N-K-S, B-I-N-K-S, B-I-N-K-S, B-I-N-K-S. Avec Caris, nouveau son, Goal volant. Sans rap français, 100% explicit lyrics, c'est Skyrock, la nocturne. Voici 26 cus. Tellement vite. Nouveauté. Pleinement vite. J'attends pas d'être validé par les gens. Lui tend pas la main, il va t'arracher le bras. C'est mieux que tu l'enjambes. Sur les vrais, les légendes. Agression, tu vois même pas nos jambes. Libérer mes relous et faire son pour nos morts. Désolé bête, tu passes pas avant le bif pour le moment. Toujours en mode pour les miens. Certaines diront que je mens. À chercher les meufs, t'auras seulement les couilles vides. Or qu'à la base le thème c'est se remplir les poches. Y'a trop de vices, on fait partie de ceux qui voient pas grandir leurs proches. Ça pue sa mère en plus, je suis à l'église mais j'y vais plus. Il vient en blanc quand il a plu, il a des couilles quand il a bu. Du proxo cambu, c'est le train de vie c'est pas notre but. Je traîne avec la bu, y'a plus de marche arrière quand je suis en mode. Ni ta grand-mère la pute, je t'éclate sans tirer ta capuche. Elle attend des explications, j'attends le plan de l'année. Laisse tomber l'investigation, sans cardio tu vas canner. Pour mon gars, je l'avais démarré, j'avais même pas c'était qui. Fririkou, Fribe, Mbappé, Fristeki. Bien sûr que je suis un homme capable. Je pourrais compter même rabat. Je le viscère pendant que tu le rabats. Chez les autres, rien à faire là-bas. C'est éclaté, rien à tes grâces. Qu'on a semé, on récoltera. Harry Baby, il nous fait le mec impliqué, on sait où il habite. Serre la main des mecs qui pourraient te la mettre tellement vite. Depuis que j'ai plus de hype, j'aperçois ma bite. Mais ils reviendront si c'est tellement vite. Il nous fait le mec impliqué, on sait où il habite. Faire la main des mecs qui pourraient te la mettre tellement vite. Depuis que j'ai plus de hype, j'aperçois ma bite. Mais ils reviendront si c'est tellement vite. Tellement vite. Fuck shit. La nocturne. Tous les vendredis soirs à minuit sur Skyrock. Et H24 sur l'appli Skyrock Radio. Yeah. par mitard. J'suis obligé d'assurer, me faut des deux. Pas veux taille des pochards. Ah, c'est le fan des billets, des mecs de chez eux. Renseigne-toi sur moi. J'suis respecté chez moi, une hausse chez eux. Elle est trop fan de moi. Un vrai pot de code, du coup j'déterre. Rêvez pas mes démons, j'vais te faire. J'suis pas comme eux, si j'le sors, j'm'en sers. Au mitard, il faut pas que je serre. Il me reste de bédo, faut que je gère. C'est pas un jeu, c'est réel. Depuis y'a 20 ans de placard sur l'enfer. Pour lui, c'est un cauchemar quand on s'est vu. C'est une snitch, on s'est fait lever et on s'est tué. Faut des millions de cash, pas des millions de vues. Ils ouvrent des enquêtes, des procédures. On ouvre des coffres et ils tiennent les murs dans leur cité. Le métal est froid, les patients feu. Pour trouver les cons, les excités. C'est pas un game, j'suis avec deux pétasses. J'sais pas laquelle, j'vais niquer. J'suis sur la route du succès à 260. J'ai des violets, le sourire amiqué. J'regarde pas, j'allume, ils sont plus de 60. Le matin série, c'est pas des croissants. Ça fout là le maton que j'vais croiser. La haine d'être enfermé, c'est surpassé. J'ai fait rendre plus de différents associés. C'est pas avec moi qu'ils vont négocier. Ils crossent le calibre qui va tousser. Le visage ridé, c'est le star. Humain et bœuf, on fume les deux. Faut pas que tu traînes ici, il fait tard. Il me fait plus rien, le bruit des pétards. On crime, on assume le refrain au star. Ça tire sur les Ox et Eric Satie. Tranquille, en couteau, ça sert à dire. Je m'attrique, c'est en moi et ma vie. On voit que c'est un lieu là. Faut bouger sur moi, j'ai loupé. C'est pour ça que ma veste est gelée là. Faut pas les croire, ils se mangent des tétards ici. Ils viennent pas où on va les boire. Ils ont peur du noir, ils ont peur des fers aussi. Je les éteins, je vais plus les voir. J'ai beaucoup à perdre si j'allume. J'en finis un, j'en rallume. Ça s'annule, t'ira pas voir la lune. Il connaît sa place, il a pas droit de poser. Sa vie se résume à faire la mule. Le 19 dans les faits divers corsés. Même au placard, on fait la maille. Demande comment faut faire, y'avait pas de Dieu, bah on faisait le pire. Ils veulent savoir comment on gère, c'est le Wally qui fait qu'on gêne. C'est pas un jeu, c'est réel, c'était puis j'ai 30 ans de clédo dans les veines. N'importe quel outil on manie, ils veulent les cousins dans les quatre coins de Paris. Y'a plus personne dans sa pétille, faut que je ramasse du père comme Joe Petit. T'as trahi les codes, on va s'annuler. T'as touché à mes rêves, on va s'allumer. J'ai toujours une quiche à calumer, on sait qui fait quoi dans sa pétille. Ici on se construit chez les cœurs, si ça rétime. Flat de mer, j'ai cherché les gros. Pas de super héros, je les connais, c'est des bêtises. Dans les faits divers, c'est mes rôles. Juste sur ciel et des plans, j'en ai trop, let's go. Eux ils attendent la montée des eaux. Moi j'attends l'arrivage du bédo, en gros. On fait du papier et ça les choque. La bécane a deux roues, fait sur les stocks. Y'a des queumés qui font escorte. Sur les poignets, chevilles, j'ai mis du scotch. J'ai pas besoin de sécu pour qu'on m'escorte. Me suis refait avec une boîte. Bat. Nouveauté dans la nocturne, 100% rap français. Quelques nouveautés encore avant de tirer le store ce soir dans la nocturne. Nocturne, on s'est régalé, hein. Depuis tout à l'heure avec Didi. La nocturne. Tous les vendredis soirs à minuit sur Skyrock. Et H24 sur l'appli Skyrock Radio. Oh, et quel, il écrit lui, hein. Il est chaud, hein. Sablier, c'est le nom de ce morceau qu'on découvre maintenant dans la nocturne, 100% rap français. Quelques idées sans suite et c'est peut-être mieux comme ça. Aujourd'hui j'allais me plaindre, j'y repensais à Gaza. J'y repensais au Congo, aux Ouïghours, à tous les peuples opprimés. Au pire j'ai son sourire pour essayer de tout oublier. Le vent est favorable, il fera sécher l'encre sur la feuille. Il fera sécher les larmes de cette famille en deuil. Ton meilleur pote t'a poucave. Tu te sens trahi et t'as le seum. Ça serait comme aller à la Junkera et y croiser sa sœur. Son silence me fait peur, ses paroles m'adoucissent. Avant j'en voulais un, aujourd'hui j'en veux cinq ou six. Je raconte bien au chaud, je suis en promenade, c'est le zoo. Que Dieu nous préserve de repasser tout l'été au cachot. Un jour de plus sans toi, où la solitude règne. Avant qu'elle prenne des rides, la vraie contemporaine. Yo. Avant de partir en guerre, le roi contemple la reine. J't'ai déjà dit, j'ai vécu le sida, donc m'appelle pas le sang de la veine. On était fous, on était rien, on était nous, on était bien. On était en bas du bâtiment, en train de refaire le monde. J'aime pas ce qui brille, j'aime pas le strass et les paillettes. Y'a trop de sel dans les océans pour pas que j'en mette dans mon assiette. J'ai pas assez d'une vie pour lui rendre tout ce qu'elle m'a donné. La rue m'a promis richesse et bonheur, donc je me suis abonné. Y'a pas de meilleure morale que la vie elle-même. Pas de meilleur sourire que celui de nos mères. Elle m'a dit je t'aimais, chez la nourrice. Y'a 6 kilos de zipettes, des armes de guerre, des jouets pour enfants. La peur de menottes finit plus serré que nos coudes. C'était peut-être bénéfique comme un borgne à qui on a jeté l'œil. Dehors c'est GTA, sans les étoiles, une erreur est humaine. Je pourrais m'arrêter là. Te dire qu'en vrai tout est foutu. Le niveau de précaution est pris en fonction de la peine encourue. Ford Mondeo, ils font le tour de la thèse. Y'a que la vérité et les mauvais tireurs qui blessent. J'ai mis de côté une pièce, au cas où je devrais me refaire. Avant de l'éclater, il lui a donné rendez-vous en enfer. Au fait, est-ce qu'il y a des nouvelles du pote qui a pris 12 enfermes? Ils ont détourné des fonds publics, mais c'est le guetteur qu'on enferme. Est-ce qu'il y a des nouvelles du pote qui a pris 12 fermes? Is that Travis? Au final, c'est le guetteur qu'on a enfermé. J'ose plus regarder le sablier. Deux, trois sales idées, les salopes se sont alliés. Fort Mondeo, ils font le tour de la pièce. Y'a que la vérité et les mauvais chireurs qui blessent. J'ose plus regarder le sablier. Deux, trois sales idées, les salopes se sont alliés. Fort Mondeo, ils font le tour de la pièce. Y'a que la vérité et les mauvais chireurs qui blessent. La nocturne Skyrock débarque dès lundi dans Planète Rap 20h-21h. On sera avec Graia. Le morceau s'appelle Défavorisé, c'est ce qu'on écoute maintenant dans la nocturne. Quartier défavorisé, du doigt j'ai été visé. J'ai séché les cours au collège, j'ai pas connu le lycée. Je compte plus le nombre de fois où j'ai vesti les mailles du filet. Pour association malfaiteur en bande organisée. Je suis pas fier de ce que j'ai fait, et ni de ce que j'ai vendu. Je connais la rue, les vrais, les fous, les putes, les traites, les vendus. Dans mes galères, y'avait que la famille qu'on s'était tendu. On a préféré vendre du shit plutôt que faire des combus. Tout commence en bas du bloc, on avait rien dans les poches. Génération 93, c'était la meilleure époque. On a vite appris les codes, on respectait tous les postes. Voilà pourquoi les gants de la tête m'ont mis le meilleur des postes. Et je m'achetais ta plein d'habits. Quand j'ai commencé à brasser, un grand de la tête, il m'a dit: fais pas le con, mets de côté. Du coup, j'ai mis de côté. Et j'ai perdu des amis. Et je me suis rendu compte qu'ils étaient là que pour le profit. La rue m'a appris des choses, sous-estime jamais les hommes. Tu l'as vu saper comme un jeté, mais lui c'était le boss. Sois règle dans le bis si tu veux pas finir à manger. Dans ce monde, y'a pas que la terre qui finit par se faire arroser. 52 morts en 8 mois, on a dépassé les steaks. Les guerres de gang ne s'arrêtent pas même quand les lumières s'éteignent. Marseille, c'est pire que tragique. Ouais, j'ai perdu des. Trop de fois Marseille c'est criminel. Oh criminel. Nos ruelles sont remplies de criminels. Oh criminel. La nouvelle gêne est criminelle. Oh criminel. Dans laquelle j'ai les métaux. Garde blanc ça devient chaud. Gros pétard, 4 feuilles, t'as sorti chicha monte. C'est plus la fille, c'est parfaite, ça la trouve si charmante. Au quartier, je traîne seul, mais oui, si ça rentre. À la fuite ou bien l'œil, dis-moi si ça monte. L'autre, qu'est-ce qu'il devient, on m'a dit qu'il a pris une frappe. Et il s'est mis à faire tout ce qu'il nous disait qu'il frappe. Divorcé de sa femme, ses gosses, il les voit presque jamais. À ce rythme-là, il risque de prendre quelques années. La drogue a fait des ravages, à ce qu'il disait, moi jamais. Wesh, l'ancien, t'inquiète pas si t'en as pas, moi j'en ai. Ça se tue, ça fume le jaune, la rue, la stupe, les jaunes. T'as vu les risques en folle, ça piste pas les voler. Envoie un petit en vélo, histoire de pas faire chauffer. Non, ils font pas des travaux, tu sais que parfois c'est faux. Trop de drames, Marseille, c'est criminel. Oh, criminel. Nos ruelles sont remplies de criminels. Oh, criminel. La nouvelle gêne est criminelle. Oh, criminel. Dans laquelle j'ai les métaux. Garde grande, ça devient chaud. Trop de drames, Marseille, c'est criminel. Oh, criminel. Nos ruelles sont remplies de criminels. Oh, criminel. La nouvelle gêne est criminelle. Oh, criminel. Dans laquelle j'ai les métaux. Garde grande, ça devient chaud. Lundi 20h-21h et tous les soirs de la semaine, on sera avec Graia sur Skyrock pour le Planète Rap. Les meilleurs sons de la semaine, sélectionnés par Fred, c'est Skyrock, la nocturne. Allez, la deuxième heure, on l'a attaqué tout à l'heure avec Orelsan. Et on conclut cette nocturne avec Orelsan et Thomas Bangalter des Daft Punk. C'est sur le projet de Orel qui vient de sortir. Orelsan y passera aussi par Planète Rap, ce sera dimanche prochain. 20h-21h pour un Planète Rap exceptionnel, à pas louper. Orelsan. Grandir dans les grosses villes, en vue